ton portable. Éclaire ma tête de con comme un flingue sous la table. Jouer de ta position, tu joues les héros sur tes réseaux sociaux. Tu critiques et tu baves, planqué comme un esclave. Well, oh. Fais-moi un petit selfie. T'as croisé le diable, il a changé ta vie. Partage un maximum de Paris à London. Tous tes potes vont liker, commenter, partager. Allô, ma phone. Ta révolution, la ligne n'est pas fiable, bug de connexion, cumule et moi j'aime, sur ton journal de haine, histoire personnelle, hashtag est la plus belle. Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel. Pour ceux qui nous rejoignent et puis ceux qui écoutent Radio Arc-en-Ciel la longueur de journée, bah restez avec nous puisqu'on est ensemble pour 3 heures de musique, 3 heures de l'émission Mavrika, comme tous les vendredis soirs de 19h à 22h. Alors aujourd'hui c'est la 524e édition et nous sommes le vendredi 21 octobre et depuis le début de l'émission on a écouté un petit peu de musique, on a écouté les Noitol qu'on avait reçu il y a quelques temps, un vrai bonheur, hein, des gens super sympathiques et avec de très bonne musique. Le morceau qu'on écoute c'est mon préféré je crois et ça s'appelle My Heaven. et je vous en fais profiter assez régulièrement. Juste après, on a écouté, c'est la première fois que je diffuse ce groupe-là, mais il y a une bonne raison, hein. C'est le groupe Bad Sheep. Alors si vous les connaissez pas, moi en tout cas, j'ai écouté leur album, j'ai trouvé ça super bon, et la bonne raison, c'est justement qu'ils sont en concert demain au Dropkick. Donc si vous avez envie d'aller les voir, ils seront avec un autre groupe qui vient de Bretagne, il me semble, et j'ai écouté, je pense qu'il y aura une super bonne soirée de musique rock, voilà. Le morceau qu'on a écouté des Bad Sheep, c'est Broken Heart. Juste après, on a écouté La Jarry. Ben, La Jarry, c'est pareil, c'est un petit peu d'actualité, parce que là, je suis en train de regarder, aujourd'hui, deux des membres de La Jarry fêtent leur anniversaire. Alors, il y a déjà Alexandre Thibault, qui est le batteur, et puis David Pourteau, qui est le guitariste star de cette formation. Voilà. Alors, on a écouté un teaser de leur album Super Époque, qui est sorti en 2022. Et juste après, on a écouté un morceau qui les a fait connaître, je pense, un des plus connus en tout cas, c'est le groupe Mea Culpa. D'ailleurs, c'est grâce à ce nom-là qu'ils ont leur studio qui a exactement le même nom. Voilà. On va continuer avec d'autres morceaux. Alors, comme vous le savez, tous les vendredis, moi j'aime bien recevoir des invités, et ça n'a pas été chose faite les deux précédentes éditions, puisque j'avais pas d'invité, donc j'ai diffusé le maximum de musique. Vous avez pu vous régaler aussi avec pas mal de musique. Alors à chaque fois, il y a toujours des gens qui me disent « Ouais, mais t'as plein de trucs, c'est vachement bien, mais tu nous as pas passé, nous. » Donc à chaque fois, j'essaie de varier un petit peu, mais j'ai reçu quand même à peu près 350, 400 formations différentes. Donc forcément, je peux pas passer tout le monde à chaque émission, mais vous inquiétez pas, votre tour va venir. Alors là, il y aura juste après un morceau de... C'est une découverte, voilà, on me l'a fait découvrir. Moi, j'ai tout de suite adoré. Ça s'appelle Lia. Lia, donc c'est une chanteuse. Elle chante en anglais. Et un jour, peut-être, on l'aura ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Elle n'est pas de la région orléanaise, hein. Il me semble qu'elle est de Paris. Mais en tout cas, je vais vous faire apprécier ce morceau. Juste après, on écoutera deux artistes, deux femmes aussi encore, qui sont venues cette fois-ci dans l'émission Mavrica. Alors, on commencera par le nouveau morceau No Games de Elsia. Et juste après, ça sera Sunny Day de notre ami Lio. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Just don't think tonight. Or won't you say goodbye?

look at the sky. Look forward to see the sun. Look forward to see the sun. To feel the heat, maybe the wind. Feel the live it up. Qui indique qu'on va discuter un petit peu dans l'émission Mavrika, puisque les invités sont là, je vous le disais. Donc dernièrement, on n'a pas eu d'invités, donc on a diffusé le maximum de musique de tous les artistes qui sont venus dans l'émission Mavrika depuis quelques temps, et certaines découvertes aussi. Et ce soir, nous avons, pour cette émission numéro 524, des invités ici. Ils s'appellent, c'est le groupe Dérapade. Donc on va découvrir tout leur univers. Et je rappelle aussi les artistes qu'on a écoutés. Donc il y avait juste avant Léo, Sunny Day, Elsia avec No Game. On a aussi découvert Lia avec So Tired. On va le dire avec l'accent plus ou moins anglais ou américain, ou je sais pas d'où exactement. Et il y a quelqu'un que j'avais oublié de vous annoncer tout à l'heure, c'était aussi Red Daff avec le morceau Faune. Et on va en parler un petit peu de Red Daff, c'est pour ça. Nous avons nos invités de Dérapade qui sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et on va commencer à discuter tous ensemble. Voilà, c'est le mieux. On aime bien faire les émissions comme ça à l'ancienne. Bonsoir, Dérapade. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Alors, on va régler les micros en même temps, tout ça, parce qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres, je vois déjà. Donc, vous êtes au nombre de 3 ce soir, mais le groupe comporte 4 membres, c'est bien ça? Absolument, il manque le bassiste ce soir, mais il est bien là, sinon sur scène, il n'y a pas de souci. Sur scène, il est là. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure de Red Daff, justement, on a écouté un morceau qui s'appelle Faune, c'est le nom de la chanson qui a le même titre que l'album, qui est sorti cette année, qui est excellent en plus. Hein. C'est vrai qu'on passe beaucoup celui-là, mais il y en a d'autres aussi que j'aime beaucoup. Et ce groupe-là, c'est un groupe que vous connaissez vous aussi? Bah, oui, on les connaît bien. On va faire une date avec eux d'ailleurs bientôt au Dropkick. Mm-hmm. Je me rappelle plus la date, je crois que c'est le 19 novembre. C'est le 19 novembre. Voilà. 19 novembre, très bien. Donc au Dropkick, un endroit sur Orléans où il y a des bons concerts de rock avec beaucoup de bons artistes. Et justement, tout à l'heure, j'ai aussi une petite info à passer. Si on a écouté le groupe Neutol, vous les connaissez, non? Ils sont de la région de Tours. Non. Et ils seront en concert, justement, je suis en train de regarder. Donc, au Délice de Sarah, ça sera le 12 novembre, samedi 12 novembre à 20h30. Ils seront donc au Délice de Sarah, c'est à Brémont. Et ça sera, c'est la avenue du 11 novembre, et c'est le numéro 6. Donc si vous voulez aller voir ce groupe-là, ben c'est l'occasion justement de les retrouver. Donc on revient au groupe des Rapades, en concert le 19. Vous, c'est le 19, donc c'est la semaine d'après. Alors, c'est ça, Drop Kick. Avant, on sera chez les Chemins Balek le 5 novembre. Ah ouais. Un bon club de moto, des bons potes, vraiment super sympa. Super ambiance à chaque fois. Ouais. Ah ouais, super ambiance, qui ont une belle scène aussi. Donc n'hésitez pas à venir, vous serez assurément les bienvenus. Faut venir en cuir et écoutez. Oui. Après c'est aussi le. Non, on peut venir normalement. Non, c'est vrai que les gars ils sont super sympas. Ouais. Et bon, les bikers ils aiment le rock'n'roll, donc à chaque fois il y a des très bons concerts. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois et à chaque fois c'est un vrai bonheur. Donc le blues, le rock'n'roll, c'est leur musique et donc ça correspond tout à fait à ce que vous allez faire. Absolument. Donc vous êtes un groupe de rock. Maintenant tout le monde le sait. Voilà, rock français. Compo avec des paroles, donc du coup en français, effectivement. D'accord, en français, oh, bah, c'est du rock'n'roll quand même. Hein. Absolument. Absolument, on parlait de Red Dave juste avant, et puis il y en a beaucoup de grands qui ont réussi, parce qu'on dit des fois, bon, le rock'n'roll ça chante en anglais, mais il y en a qui l'ont très bien fait en français, et on encourage les gens à le faire avec la langue qu'ils veulent, du moins que ça sonne bien et que ça envoie du pâté. Quoi. C'est ça. Donc le groupe des Rapades, bah, c'est un groupe tout récent. On a à peu près un an d'existence, un an, ça, je dirais. Un an et demi. Ouais, un an et demi. Donc il est né pendant le Covid. C'est ça. Au moment où beaucoup de groupes ont rendu l'âme, d'autres sont nés. Voilà, ça c'est une bonne chose déjà. Hein. C'est ça, on était dans les bois, on s'est réunis, puis on s'est dit on va faire un truc comme ça. Quoi. En fait, c'est qu'on appartenait tous quand même à d'autres groupes. Ouais. Qui se sont un peu éteints au fur et à mesure, et puis on était les uns à côté des autres, on a fait comme ça de la musique en cachette pendant le Covid, et puis ça a bien pris, donc on a continué. En fait, l'idée c'est de faire des compos, quoi. C'est ça, on avait tous plein d'idées à mettre en commun. Surtout Thierry. Voilà, et donc voilà, l'idée c'est de faire des compos, et le fait est qu'on est content de ce qu'on fait, je dirais, donc ça le fait bien. Oui, parce que vous avez joué déjà dans d'autres groupes, hein. Tous les trois qui sont là ce soir, en tout cas. Ouais. Je vous ai déjà vu dans d'autres groupes, je vous ai déjà reçu aussi dans d'autres formations. Absolument. Où vous faisiez aussi des reprises. Oui, et oui. Là, par contre, vous avez envie de faire vos morceaux à vous. Donc, comment ça se passe, les morceaux, vous les composez tous ensemble, ou est-ce que c'est il y a un membre ou deux peut-être qui apporte des idées au départ? Il y en a deux qui apportent. Qui a tout, en fait. Il faut tout. Non. Je me sens très abandonné en fait dans ce groupe. En fait, les idées, les premières idées viennent principalement de Serge et de Paul, qui travaillent les riffs en fait, les guitares et Serge les paroles. Donc après, ils nous présentent ça, soit ils nous envoient ça. Par mail ou par tout moyen disponible. Donc le bassiste et le batteur écoutent ça chez eux. Ils disent tiens, j'ai des petites idées qui arrivent. Et quand on arrive en répète, le morceau se construit comme ça. Les arrangements se font tous ensemble en fait. Voilà, après on mélange tout, on arrange tout comme on peut. Oui, ça fait quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Très bien, donc là on a commencé à donner des noms. On va présenter déjà le groupe, les quatre membres. Alors... par qui on commence? Eh ben, on va dire qu'il y a Serge au chant, Thierry à la batterie, Jérôme à la basse et Paul à la guitare. Voilà, le groupe au complet. C'est ça. Et donc, vous veniez, vous n'êtes pas des petits jeunes de la musique, ça fait un petit moment que vous jouez, vous avez fait d'autres formations. Vous voulez nous parler un petit peu individuellement les formations d'où vous venez, quoi? Alors, je vais commencer par moi, Paul. Ouais. Donc, c'est Serge. Moi qui ai une plus grosse. Merci. Ouais. Donc, moi, j'ai toujours fait un peu de musique et puis j'ai collaboré avec un groupe qui s'appelait à l'époque Maltese. Vous étiez venu ici, hein. On était venu chez toi, ouais, exactement. On avait présenté l'album, on avait joué à Paris, Moulin Rouge, etc., etc. Ça s'était bien passé. Et puis on a une vie de groupe, chacun fait un petit peu son chemin, sépare un petit peu. Après, j'ai créé un groupe orléanais qui s'appelait Sled, mais c'était un groupe de reprise. Donc là, c'est pareil, on a tourné un petit peu. Bah, vous étiez venu aussi dans l'émission. Tout à fait, j'ai présenté toute la famille. Et puis le groupe aussi s'est un petit peu essoufflé avec le Covid et tout ça. Et puis moi, j'avais dans la tête de faire quand même encore des compos. J'avais plein d'idées dans la tête. Donc en fait, après, j'ai rencontré Paul. Enfin, on s'était croisés sur des scènes comme ça avec les musiciens. On se croise et puis on discute, on fait quelques trucs. Et puis voilà, on s'est vu un petit peu. Et puis ça a gazé. Et puis on a recommencé un groupe, en fait. Puis en fait, en plus, on est voisins quasiment, quoi. Donc c'est pratique. Ah, mais ouais, ça facilite. Ah, mais on ne le savait pas au départ. Non, en tout cas, c'est vrai. Voilà pour ma part, en tout cas. Donc, je continue l'aventure avec des rimpades. Alors, le groupe Sled, il continue aussi, lui? Oui, tout à fait. Oui. Il s'est pas arrêté. Hein. C'est pas parce qu'un groupe, un membre du groupe s'en va que... Oui, il y a des groupes, des fois, effectivement, ils changent de nom. Là, le groupe continue sous le même nom, avec des membres différents. Quoi. Et en fait, à peine, en fait, le truc qui est marrant, puis qui est sympa, en fait, c'est que... Je sais pas si tu dois lire, ça. Si, je pense. Je sais pas. Hein. Avant, moi, je faisais partie de Full Tank avec Marion qui était au chant. Et donc, du coup, en fait, Marion a remplacé Serge dans Sled, qui était plus branché à faire des reprises, ce qui leur correspondait. Donc, c'est plutôt sympa, quoi. Donc, du coup, eux peuvent continuer leur aventure et. Puis nous, voilà, on fait les compos qu'on avait. Donc vous avez fait un échange, quoi. C'est pratiquement un échange standard. Ouais, c'est ça. Ce qui est plutôt sympa, quoi. Non, puis il faut dire aussi que pour des compos, enfin pour de la reprise, chez Sled, il y avait pas mal de reprises en anglais. Et c'est vrai que l'anglais, c'est pas mon truc. Je préfère vraiment composer en français et chanter en français. Parce que moi, j'aime bien raconter des histoires, j'aime bien que ça parle aux gens. Alors c'est vrai qu'il faut que ça soit du rock, machin, que ça rime et tout le tralala. Mais voilà, quoi, c'était aussi un petit peu pour ça. D'accord. Donc, et Thierry? Ah ben Thierry, il est toujours d'ailleurs dans le groupe des Mockingbirds. Mockingbirds, ouais, tout à fait. Et comment ça va en ce moment? Ça répète, ça. Parce qu'on n'entend pas trop parler en ce moment des Mockingbirds. Ben nous, on est un peu en stand-by puisque on a notre ami Jean-Marc qui est aussi dans les Blues Factory. Oui. Pas mal de monde doit connaître, qui a quelques soucis de santé. Ah. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement. Ah oui, tout à fait. C'est en bonne voie, en tout cas. Bon. Et donc, on l'attend avec impatience pour reprendre nos répètes. Ouais, parce que Jean-Marc, en plus, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est un passionné de musique. Tout à fait. Il adore la musique. Il collectionne les albums. Oui. Il a des éditions spéciales. Il connaît plein de choses. Il a une grande culture. Je sais qu'il m'a fait découvrir plein de choses différentes. Oui. Et en plus, il a du bon goût parce qu'à chaque fois, c'est des super groupes qu'on connaissait pas du tout, des trucs qui sont connus dans d'autres pays et pas forcément en France, et lui connaît tout ça, donc c'est un vrai album, quoi, en tout cas. Donc on lui souhaite un très bon rétablissement, et puis on espère bien le voir très bientôt avec sa guitare. Voilà, donc les Mocking, et puis j'avais joué avec Paul dans Full Tank, avant qu'ils se séparent, et puis voilà, donc Full Tank se séparant. Paul m'a dit non, tu restes avec moi, j'ai pas le choix. Obligé. J'ai pas le choix. Ah bah, au même temps que quand. Il est méchant, hein. Il y a des gens, des fois, qui jouent ensemble, et puis c'est vrai qu'après, jouer avec une autre personne, il faut se réadapter, tout ça, et puis quand ça marche, on ne change pas les choses qui fonctionnent. Donc, il t'a récupéré. Voilà, il m'a récupéré. Comme ça. Il m'a dit, on va faire des compos, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. J'ai dit, pourquoi pas, allons-y, essayons, et puis ça le fait, quoi. Ça le fait. Non, mais on a de la chance quand même, hein, parce que t'es l'un des meilleurs batteurs de la place. Donc, Il est très blagueur, c'est vrai. On s'éclate. Il est très blagueur, c'est vrai. Très bien. Et donc après, le dernier membre, Jérôme, lui, il avait joué dans un autre groupe, non? Ouais, il avait joué dans plusieurs groupes de la région qui étaient plus dans un style funk. D'accord. Mais bon, c'est un gars qui sait vraiment tout jouer, en fait. Donc, C'est vrai que pour les bassistes, le funk, c'est quand même quelque chose de particulier, parce que c'est quand même beaucoup de grands bassistes viennent de ce style de musique, hein, il faut quand même le dire. Mais après, ils peuvent aussi s'adapter à justement d'autres morceaux. Quand ils arrivent à faire du funk, souvent, ils arrivent aussi à faire d'autres choses. En fait, c'est pas le bassiste originel de Dérapane, mais bon, il est fraîchement arrivé chez nous, voilà. Mm-hmm. Et donc, ça va apporter un groove un petit peu différent, mais qui va être vraiment, vraiment sympa, quoi. Mmh. Très bien. Bon, donc on connaît tous les membres du groupe. On sait que vous avez à peu près un an d'existence. Voilà. Qu'il va y avoir quelques concerts. Déjà, on a déjà pris pas mal de choses. Hein. Donc on va répéter les concerts pour que les gens s'imprègnent bien et qu'ils aient envie d'aller vous voir en concert. Et là, pour l'instant, on va peut-être découvrir un premier morceau. Allez. On fait l'album dans l'ordre ou on le fait dans le désordre? Comme tu veux. Donc, habituellement, dans l'émission, on passe le morceau Sordide. Hein, il y a eu un clip qui est sorti. On va se le garder pour le deuxième, puisque c'est la deuxième piste de l'album. Et on va continuer avec un morceau qui s'appelle Dérapade. Allez, ah, voilà. Comme ça nous tendra la perche pour expliquer comment vous avez trouvé le nom du groupe. C'est ça. Très bien, on écoute donc le premier morceau, Dérapade. la dérapade. Par la vague portée au large, elle nage au large, au large, au large, hélas. Au bord, je passe les heures lentes d'un soir d'attente. Au bord, je passe. Sur la lame enchantée, aux larges, elle rit, aux larmes, aux larmes, aux larmes, hélas. Au bord, je penche mon corps dolent, imprudemment. Au bord, je penche, au bord. Voilà, donc on n'a pas écouté un morceau, on en a écouté deux à la suite. Et donc on a écouté effectivement Dérapade avec le morceau Dérapade. Et juste après, on a écouté un groupe, hein, ça envoyait bien ce groupe-là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'était pas mal. Hein. Ah ouais, c'est un groupe vraiment qui envoyait extraordinairement bien. Ouais, donc c'est le groupe dont on a parlé tout à l'heure, qui en faisait partie Serge. Oui. Donc c'est Maltese et le morceau c'est Au Large. Un morceau que j'ai diffusé pas mal de temps. Et puis là, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais mis de côté, mais je l'ai ressorti pour l'occasion, justement, pour pouvoir réécouter ce morceau. Ça m'a fait plaisir. Bah voilà, il y a d'autres surprises. On va essayer de trouver. J'ai essayé de trouver des. Alors, il y a un groupe. Je suis désolé, c'est Full Tank. J'ai pas réussi à trouver de morceaux. Vous avez pas enregistré de morceaux, non. Ou très peu. Très peu, ouais. Ouais, parce que j'ai pas réussi à trouver. Bon, ça sera pour une prochaine fois. C'est ça. Mais en attendant, Full Tank, c'est un groupe qui fait partie de la Mavericas Family. Et pourtant, qui n'est jamais venu dans l'émission. Parce que vous êtes venu pour le Mavericas Live, donc voilà, c'était directement au Mavericas Live. Parce que souvent, les gens passent dans l'émission et puis après, si ça les intéresse, on les fait jouer au Mavericas Live. Et vous, ça a été direct. Direct. Et c'était super d'ailleurs. Ah ouais, je sais que c'est un très bon moment. Et il n'y a pas longtemps, j'ai regardé les photos. Parce que là, le Mavericas Live, il est en stand-by. Hein. Il faut savoir qu'on n'a rien fait depuis qu'on a annulé le numéro 12 qui devait avoir lieu. Oui, mais j'ai cru entendre parler comme tu réfléchis déjà là pour. Hein. Bah oui, parce que voilà, bon, voilà. On peut le dire. Voilà, c'est plus un scoop. C'est qu'on travaille pour relancer l'association, ce qui n'est pas chose facile, etc. Et les conditions ont changé aussi pour la salle. Donc on était un petit peu embêtés, tout ça. Mais là, je peux vous le dire, ce sera le 10 juin. Donc donc le prochain Maverick Alive. Il faut retenir la date. Ça, c'est de la Alors pour nouvelle. L'instant, vous êtes les premiers à le savoir. Hein, c'est la première fois que je l'annonce. Même les groupes qui ont été annulés pour le Maverick Alive numéro 12, je veux les contacter. On va essayer de refaire la même chose avec les mêmes. Même. Et si vraiment ils sont pas disponibles, on essaiera d'en trouver d'autres. Mais même eux, ils sont pas encore au courant. À part s'ils écoutent l'émission maintenant. Ouais. Voilà. Bon, bah, donc Albino, le 10 juin. Albino, par contre, ils sont pas disponibles. Sache que les rapaces. Parce que les rapaces seraient énormément heureux de déraper sur ta scène. De déraper sur ta scène. Ouais. C'est vrai que bon, l'association Mavrika, le principe, c'est vraiment bon. Nous, on fait pas du tout d'argent avec ça. C'est une association qui fait un événement et qui récupère juste assez d'argent pour en faire un autre. Et on tourne comme ça autant qu'on peut parce que c'est notre passion et que bon voilà. Et donc on s'occupe de tout, de la salle, des assurances, de la SACEM, des boissons, des affiches, la publicité, tout ça. Et par contre, les groupes viennent, on propose justement cette scène avec tout le truc organisé à des groupes qui viennent. Et malheureusement, bah, nous, on n'a pas les finances pour pouvoir payer les gens. Oui, je pense que les groupes, il n'y a pas de souci, ils sont tous heureux de venir jouer. Pas forcément. Ouais, c'est vrai. Bah certains avaient été super contents de venir pour des gens qui se défoncent pour. Mais ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs groupes professionnels depuis qu'on fait les Maverick Alive, parce qu'on en a fait quand même 12. Il y a beaucoup de groupes professionnels qui ont accepté de venir jouer dans ces conditions-là, hein, en disant voilà, si tu nous fais une bonne scène et tout ça, nous on vient pour toi et aussi pour la promotion, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent, qui découvrent les groupes. Et bon, sur Orléans, il n'y a pas énormément de scènes. Où les groupes voilà qui sont pas forcément très connus peuvent jouer. Donc c'est l'occasion justement on offre justement une scène à ces groupes là et on passe un bon moment. Et c'est vrai que moi j'ai regardé il y a quelques temps des photos et je me dis mais purée des vidéos parce qu'on a beaucoup de photos, on a beaucoup de photographes. Oui, j'ai vu une vidéo d'ailleurs passée tout le temps qui n'y a pas très longtemps. Ouais, elle a été remise, j'ai vu sur Facebook aussi. Et je dis ah mais on faisait quand même des bonnes choses hein quoi. On a fait des bons événements avec très peu de moyens, voilà le truc il est là quoi. Ouais, non, mais c'était cool. Après, si on arrive à avoir un millionnaire qui est intéressé par ce qu'on fait, qui a envie de nous aider, ou alors des subventions exceptionnelles, on paiera avec beaucoup de plaisir nos artistes grassement. Voilà. Mais pour l'instant, bon, voilà, il faut savoir que c'est. Mais bon, on y pense déjà. Donc le 10 juin, on fera le Maverick Alive numéro 12 qui avait été annulé juste avant le Covid. Voilà. Donc tout ça pour revenir à Dérapade, le groupe de ce soir. Donc les membres, il y en a trois, ils sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le groupe est composé de quatre personnes et il y en a trois qui sont dans les studios. Donc il y a Serge, Paul et Thierry qui sont dans les studios et Jérôme qui est excusé de son absence. Ouais, mais ça sera pour une prochaine fois. Pas avec beaucoup de plaisir. Mais il va ramener ce qu'il faut la prochaine fois. Vous allez lui tomber dessus. Voilà, il va falloir qu'il s'excuse. Tout à fait. Il justifie. Très bien. Donc j'ai eu aussi au téléphone, j'ai eu voilà, chercher parce que je note des trucs partout et il y en a partout et après j'arrive plus à les relire. Donc pendant qu'on écoutait les morceaux, on a aussi Chris du groupe Prisma qui nous a appelé. Un voisin aussi d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs que ouais, il a dit je les connais bien, tu leur passes le bonjour et tout ça. Ah, et de même. C'est gentil. Ouais. Et donc il m'a dit aussi justement le groupe Prisma va jouer enfin au Château d'Eau à Blois. Donc cool. Ça sera le 3 novembre à partir de 18h. Donc si vous avez envie de découvrir ce groupe de rock FM comme il se qualifie, on les a vus il y a pas très longtemps, on a été les voir au VNB, c'est vrai que ça renvoie vraiment bien. Ouais, mais moi je trouve que c'est sympa parce que en plus il y en a pas beaucoup des gens qui continuent ce style là. Moi je trouve que c'est super bien. C'est très bien fait, vraiment trouvé leur originalité. Franchement, c'est super bien. Il faut aller les voir. Donc voilà, on le redit à nouveau. Donc Chris et son groupe Prisma sera au Château d'Eau le 3 novembre. Donc c'est à Blois, c'est pas très loin d'Orléans, c'est à 50 km à peu près. Hein, c'est une cinquantaine. Et c'est à partir de 18h. Donc si vous avez envie d'aller les voir, ce sera exactement l'occasion. Il faut y aller. Ouais. On rappelle aussi vos dates alors. Alors nous, le 19. Ah déjà il y a le 5 chez les Chemambalek à Ingré. Voilà, après il y a le VNB à Bôle le 17 novembre. Et ensuite on joue avec les Red Duff, nos copains des Red Duff au Dropkick donc à Orléans le 19 novembre. Très bien, donc Dropkick, en plus c'est pas loin pour ceux qui habitent à Orléans. Et ce soir, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a Arnaud Walden avec un groupe... un cover de Deep Purple. De Deep Purple, ouais. Ouais, donc c'était un bon truc à y aller, mais malheureusement, il y en a qui ont piscine, moi j'ai radio. Le voilà, nous on avait radio, on voulait y aller, mais bon... Vous aviez radio aussi, et puis... Des fois, il y en a qui peuvent pas aller au concert parce qu'ils ont du aquaponé. Voilà. Ça, c'est aussi une excuse. C'est pas des métiers faciles. C'est pas des métiers faciles. Très bien. Donc, on va continuer à découvrir. Alors, quels sont les artistes qui vous ont inspiré, justement, vous faites des compos. Il y a quand même des artistes, je suppose, français qui vous ont inspiré. Ouais, en fait, on vient tous d'univers un petit peu différent. Serge, il vient plutôt d'un univers, je dirais, entre FL, Noir Days, rock français, Téléphone, Bachoum, voilà. C'est je suis plutôt français, moi, plutôt rock français, ouais. Thierry vient plutôt du heavy, je dirais, ou au moins du... Hard rock. Du hard rock, voilà, qui n'est pas forcément langue française. Moi, je viens d'un peu tout. Du blues aussi, d'ailleurs. Mais d'un peu tout. Et Jérôme, un peu plus du funk. Donc voilà, on a fait un petit mélange. Et ça donne voilà ce qu'ont fait les mecs qui ont un peu dérapé, quoi. Voilà. Donc le nom de dérapade, ça vient d'où? Ça vient un peu de ça. Ça vient les mecs ça. Un peu border, quoi. D'accord. Les mecs qui se demandent. Ah ouais, c'est ça. Vous êtes là par défaut, alors, finalement. Par défaut, non. On a glissé, quoi. Vous avez glissé. Ouais, c'est vrai que des fois, dans sa vie, on se dit, on voudrait faire ça, ça. Et finalement, ça se passe pas comme on voudrait, mais on se dit, finalement... Mais c'est pas si mal. Finalement, on aurait choisi peut-être un autre chemin, et finalement, le chemin qui était devant moi, j'ai suivi, et puis finalement, c'est pas si mal que ça. Voilà, carrément, on a glissé, puis c'est pas si mal. C'est vraiment ce que tu dis, Thierry, c'est vraiment exactement ça. Dérapade, donc, très bien. C'est un mot inventé, dérapade, hein, de notre part. C'est... En fait, ça n'existe pas dans le dictionnaire? Non, c'est sûr. D'accord, je savais, je n'aime pas. En 2023, ça existe. Dérapage, oui. C'est un morceau et des paroles. Ouais. Et à la finalité, pour finir un refrain, en fait, on cherchait, pourquoi pas, dérapade, dérapeur, dérapade, ok, dérapade. Et puis voilà, quoi. C'est dérapade, mais c'est sympa, ça fait un peu... Hein, C'est original en tout cas. Voilà. Parce qu'il y a des fois des groupes, on cherche sur internet, il y en a je sais pas combien de centaines qui ont le même nom. Donc là, Dérapade, vous êtes les seuls. On tape Dérapade, c'est sur vous qu'on tombe. Absolument. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la petite affiche qu'on a reçue, c'est Georges qui s'occupe du site internet de Radio Arc-en-Ciel, qui a fait un petit montage et il a réussi à vous retrouver. Hein, donc il est sans difficulté. Parce que c'est pas moi qui lui ai envoyé l'image. Hein, il a trouvé l'image. Il a trouvé le. On vous voit en dessous. Ouais. Donc il a fait son petit logo. Donc on le salue hein, s'il nous écoute sur, salut, sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis Georges qui est au Portugal, hein, il travaille là-bas et puis il s'occupe du site internet de Radio Arc-en-Ciel. Donc il le met à jour. On t'embrasse en tout cas. Très bien. Non mais c'est bien de parler aussi de tous les gens parce qu'une radio ça marche pas avec un seul animateur. Tu sais qu'on est capable de venir jouer au Portugal aussi. Hein. Ah ouais, si mais ça serait bien. Un bar avec un bout de scène, nous, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, il y a des groupes comme ça qui avaient été joués là-bas. Il y avait The Grape, je ne sais pas si vous les connaissez. Ils avaient été faire quelques dates là-haut au Portugal et en plus, ils étaient bien amusés. Apparemment, ils étaient ravis en tout cas de leur retourner. Sur un malentendu, on peut le faire. Si, moi, Lisbonne, j'ai vu des super concerts. Ah ouais, c'était énorme. Au Portugal, ils ont une culture différente. En France, c'est vrai que. Là-haut, le rock, on écoute une radio, n'importe laquelle, on arrive à tomber sur des morceaux de rock. Aujourd'hui, si on n'a pas une radio spécialisée en France sur le rock, sur les autres radios, on en écoute rarement. Hein. Mettez n'importe quelle radio, vous pensez à celle que vous voulez, hein, sur votre poste de radio pour trouver un morceau de rock, c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est sûr. Après, c'est des radios spécialisées qui passent que du rock. Alors qu'au Portugal, là, on passe un petit peu tout. Il peut y avoir du rock avec de la variété, comme c'était dans les années 80 en France. Hein. Finalement, c'est Et dans les bars, enfin moi j'ai vu à Lisbonne dans les bars, ça joue rock terrible. Et puis il y a plein de groupes aussi que les Français ne connaissent pas forcément, que moi j'ai découvert justement à travers les concerts qu'il y avait à Lisbonne, au Portugal et tout ça, des groupes américains qui font des tournées internationales, et puis en France on les connaît pas tellement, et puis qu'on les écoute, mais attends, c'est fabuleux quoi. Queen of the Stone Age, des groupes comme ça que j'ai découvert justement grâce aux radios portugaises, hein, voilà. Non, mais c'est super, c'est super, c'est vrai que mon... c'est une radio rock, une radio funk, une radio rap, c'est un peu... Ouais, c'est un petit peu dommage. Hein. C'est bien aussi de mélanger. Moi, j'aime bien aussi m'égarer un petit peu. Et puis, au début, l'émission Mavrika, c'était l'émission pop-rock. Et puis, finalement, on a reçu plein d'autres choses. Hein. On a la musique latine, la musique celtique, il n'y a pas très longtemps, du blues. À partir du moment où ça nous plaît, voilà. Et puis, ça m'est déjà arrivé, moi qui n'ai pas la culture rap, de recevoir ici des rappeurs qui ont fait des freestyles et on avait la chair de poule à les écouter. Franchement, on a passé un super bon moment. Donc voilà, c'est bien aussi d'écouter d'autres choses. Et puis quand c'est bien fait, c'est bien fait. Voilà, la musique, il y en a qu'une, c'est la manière de l'interpréter qui fait que c'est du rock ou autre chose. N'importe quoi. Ouais, voilà, on prend un morceau de Beethoven, interprète en disco, ça a été fait, hein. ça a déjà été fait. Donc et ça devient du disco, et pourtant c'est toujours du Beethoven. Très bien. Donc, le groupe Dérapade, alors vous l'écrivez 4 fois en plus, hein. Comme ça. Pourquoi quatre fois? Parce que c'est... Parce qu'on est 4 et puis on voulait être sûr. C'est pour pas oublier, d'accord. Voilà, donc, vous êtes 4. Voilà, donc moi j'ai l'album entre les mains. Alors cet album, il est sorti il y a combien de temps? Je sais pas très longtemps, il y a 2-3 mois. 3 mois. Mmh. C'est tout récent, ouais. Oui, c'est ça, ouais. On s'était vu il y a pas très longtemps, c'était à Talsy justement, et c'est toi Paul qui me l'avait apporté, et je dis bon bah super, bah on passe dès la prochaine émission. Voilà, je fais plusieurs choses. On voit ça. Ouais. Voilà. Donc l'album, il a 5 morceaux, il a été enregistré à quel endroit? Eh ben, on a enregistré ça dans le fief des Chili Dogs, en fait. D'accord. Par Franck Bellu, donc le batteur des Chili Dogs. Mm-hmm. Donc ils ont un studio dans l'endroit où ils répètent. Donc en fait, voilà, on a enregistré là et c'était bien parce qu'en plus ils sont super conseils. Mm. D'un point de vue artistique, ils savent dire. Très à l'écoute. Très à l'écoute, ils savent dire aux gens tiens, essaye ça, voilà. Donc vraiment super moment passé avec eux. C'était vraiment cool, quoi. Mmh. Ouais. Les Chili Dogs, qu'on embrasse, hein, parce que c'est un groupe qui est déjà venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Bah, oui. Et à chaque fois que je vais en concert, moi, c'est toujours un bonheur, franchement. Ah, oui, c'est un groupe qui envoie bien. Hein, ah oui, nous, on a joué avec eux cet été sur la plage à Beaugency, là. On organisait ça et c'était vraiment super, super bien, quoi. Mmh. On a fait un complet tour là au bord de la Loire, c'était vraiment, vraiment très agréable. Voilà, des bons moments comme ça de partage, hein. Donc et c'est vrai que dans le milieu, on connaît des gens, on sait qu'ils sont super sympas, et ben c'est le côté rencontre, partage et tout ça qui est très important aussi dans la musique. Ouais, c'est un peu l'idée du truc, quoi. C'est pas, de toute façon, on fait pas de la musique dans notre coin, voilà. Le but, c'est de la partager avec tout le monde et avec tous les musiciens qui nous environnent. Et à Orléans, il y en a un paquet de musiciens. Il y en a un paquet, hein, et des bons en plus. Hein, oui. Parce que moi, quand j'ai commencé l'émission, j'ai commencé à recevoir des groupes. Je me suis dit, bon, on va vite faire le tour parce que sur Orléans, j'en connaissais pas tant que ça. Puis j'en suis à 524 émissions et j'ai pas fini de découvrir. À chaque fois, je découvre plein de choses. Et puis là, avec le Covid, il y a eu une coupure. Il y a des groupes qui ont un petit peu disparu. Il y en a qui sont nés aussi. Il y en a d'autres qui sont nés, d'autres que j'ai jamais entendu parler. Puis des fois, on regarde. Ah bah oui, bah il est dedans. Ah bah oui, il fait partie aussi de ce groupe-là. Mmh. Mais j'ai déjà reçu dans un autre groupe, etc. Donc voilà. À la fin, tu connais tout le monde, Albino, de toute manière, je pense. Oh, pas encore tout à fait, mais par contre, il y a des fois des gens qui me disent, voilà, on a un groupe et tout ça. Et je dis, ouais, moi je fais une émission de radio. Je dis, ouais, nous on le connaît. Bon, moi, déjà, c'est une référence, hein, déjà. Donc c'est bien d'être reconnu par les musiciens de la région. Et en plus, dans l'émission, on a toujours bien traité les artistes. Il n'y a jamais eu d'artistes battus pour l'instant. Ah, d'accord. Donc voilà. Mais c'est pas sûr, justement. On avait un peu peur. Sauf moi, où j'ai un mauvais souvenir. Je vais à Alaska, alors là, vite, là, rien. Donc il y a quelqu'un d'autre qui est venu nous rejoindre. Alors on le connaît, lui. Ouais, on le connaît bien. Hein. Il est déjà venu. Il connaît le chemin. Il connaît aussi le studio de radio sur d'Arc-en-Ciel. Et donc c'est notre ami Dom qui est venu avec son appareil photo. J'espère. Toujours. Ah oui, toujours. Ah oui, inséparable. Regarde, il est déjà en train de nous prendre en photo. Il est déjà en train de nous prendre en photo. Donc, alors, Dom Rousseau, c'est le photographe des groupes, de 1000 groupes. De 1000 groupes. Qui fait des super photos de tout, des concerts, des personnes très intéressantes à découvrir. N'hésitez pas à aller voir ses photos, c'est excellent. Et qui nous a fait notre vidéo aussi. Ouais, c'est lui qui nous a fait notre vidéo. Du coup, je vais lui ouvrir la porte quand même, madame. Non, lui ouvre pas. Ce qu'on va faire, on va écouter un autre morceau. Et puis après, on va parler avec Dom, on va parler tous ensemble. On a encore plein de choses à dire, on a plein de choses à découvrir sur le groupe Dérapade. Et tout à l'heure, on parlait d'influence et de musique française. Et j'ai envie d'écouter un monsieur qui s'appelle Paul Person. Donc, c'est un morceau que vous avez apporté. Alors, qui c'est qui m'en parle de Paul Person? Je pense que Paul va parler de Paul Person, mais c'est une excellente personne. Hein. Ouais. Donc, Paul Person, on parlait, on va peut-être écouter ce monsieur, un grand monsieur du blues. Et en fait, si je peux juste dire deux mots, en fait, on a choisi ça, comme on joue avec les Red Daff, et je sais qu'ils reprennent ce morceau-là. Et comme on va faire avec le Dropkick, voilà, c'était un petit clin d'œil pour Red Daff. Et en plus, Paul Person, c'est vraiment le bluesman français qu'on voit. Ouais, c'est. C'est top. Très bien. Barjolande. On comptait viennent pas voir ça. Il y a trop d'égo que je ressens. Et mon corps, puis c'est dur pour dire le pire. D'autres ont jeté leur vie en les chialant mieux avant. Alors faut que je me chante mon pote là pour causer. Causer pour passer le temps. Avec l'impression que tout sert à rien et que toute manière demain, on aura tous foutu le camp. Salut l'amour, qu'est-ce que tu viens? Pas que tant que ça n'avait pas vu traîner dans le coin. Viens jeter un œil un peu que je te montre là où je survis tout ce qui m'entoure. Ça te concerne plus tout ça, hein, l'amour. Garde la baïa d'Arjolin. Je massacrerai gratuit. Un peu plus loin, y'a le coin où tout le monde se dit je t'aimais. Où tous les coups sont permis. Alors l'amour, ça te plaît chez moi. Thank you. Trois morceaux à la suite et on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors les trois morceaux qu'on écoutait, ben ils étaient dans le désordre, hein, sinon le tiers c'était bon. C'était Paul Persson avec Barjoland, mais juste avant on avait calé Axel Bauer avec Tout l'or du monde. Et à l'instant, ben je pense que quelqu'un va me souffler qui a interprété le morceau à l'instant. Je dirais que c'est Freddy Miller. Non. C'est pas ça. Bon ben c'est vous, pas. Vous l'avez pas reconnu. C'était les Mockingbirds. Les Mockingbirds. Ah bah voilà. Voilà, je savais bien. Donc ça concerne Thierry. Donc c'était lors de. C'est un morceau qui s'appelle The Stealer. C'est ça. Et ça a été enregistré pendant l'émission numéro 434 avec les Mockingbirds ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc c'est un morceau live Mavrika. Voilà, personne ne vous le trouverait nulle part à part nous, mais on le vend pour des milliers d'euros. C'est ça. C'est ça. Tu t'en es pas. Donc on se partagera la somme après dès qu'on aura trouvé des acheteurs. Des arrangements. Ouais. C'est vrai que les morceaux qu'on fait ici, c'est sans filet. Hein. C'est-à-dire que les artistes jouent vraiment comme à la maison. Hein, donc avec leurs instruments, c'est capturé avec des micros, c'est fait vraiment à l'ancienne. Mais on est content d'avoir ces bons enregistrements quand même. C'est de la bonne qualité, même si c'est pas des studios super trucs. Mais bon, il faut savoir que dans les années 50, 60, on enregistrait de cette manière-là et de grands standards sont qu'on est habitué à écouter. Oui. Ont été enregistrés dans ces conditions-là, donc ça n'empêche rien. Et ce qui m'empêche, il y a aussi un artiste qui une fois avait intégré dans son album la dernière chanson, c'est un morceau qui a été enregistré ici. Il a même pas touché, il a dit je l'ai pris tel quel et je l'ai mis dessus. Et voilà, c'était l'instant qui a été capturé. Donc ça fait plaisir de savoir qu'il y a des enregistrements qui se baladent un petit peu à droite à gauche. Et il y en a des tonnes. Voilà, donc pour les morceaux qu'on vient d'écouter. Donc Axel Bauer, on en parlait tout à l'heure avec Paul, c'est un excellent guitariste français, il faut le savoir, on connaît Cargo de Nuit, etc. Ah. Bon, c'est vrai que vous allez au concert, vous y aurez droit, hein, parce que ça c'est forcément le morceau qu'il a lancé, mais lui préfère d'autres morceaux, et il faut savoir qu'il y a certains morceaux qu'il aime beaucoup plus, dans lesquels il a mis beaucoup plus de son âme. Et puis en plus, c'est, au niveau technique, c'est vrai que moi j'ai vu super jouer guitariste, super guitariste et qui maîtrise les effets, c'est dingue. Ouais. Je me souviens aussi d'une chance, d'expérience qu'il faisait en direct, c'est-à-dire qu'il va faire une note, il va la maintenir, et sur cette note-là, il va faire tout un morceau sur cette note-là, et j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc il l'a fait une première fois, il avait super bien fait, ça rendait super bien. Il a fait une deuxième fois, il me dit bon, là ça marche pas, je me suis planté, mais c'est pas grave. mais j'aime bien justement, tu vois, c'est le côté expérimental sur scène comme ça, j'ai trouvé bien. Donc Paul Personne, donc lui, plus personne ne le présente, c'est un des plus grands bluesman en général, mais aussi guitariste, et chanteur, voilà, donc aussi. Et les Mockingbirds, donc qu'on vient de présenter, un des meilleurs groupes de la région orléanaise, faut le dire. Ah oui, on peut le dire. On peut le dire. Voilà. Alors j'avais aussi les dates, donc ce soir nous recevons des rapades dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. La semaine prochaine, c'est le groupe Corrosive System. Donc ça va envoyer du bois, donc on aura des punks dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Mais bon, ça envoie bien. On s'écoutera peut-être un petit morceau si on a le temps. Le 4 novembre, il y aura Youse qui va venir. Youse, il est déjà venu à plusieurs reprises. D'ailleurs, il est venu dans l'émission des Yavana il y a pas très très longtemps. Là, il va nous présenter parce qu'il organise aussi des concerts dans la région. Donc, c'est un style un petit peu différent. C'est pour ceux qui aiment le reggae. Donc, lui, il est spécialisé dans ce style-là. Il va organiser plusieurs concerts. Donc, il viendra ici nous les présenter. Le 11, je disais, voilà, l'émission Pop Rock. Et là, c'est pas du tout du Pop Rock. C'est du Swing. Le groupe Swing Camille. Donc, pour ceux que vous connaissez sûrement. Les Swing Camille viendront. Ils sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils reviendront à nouveau, donc, le 11 novembre. Un jour férié. Comme ça, il va falloir que je les paye double, en plus. Donc ils vont interpréter, à mon avis, des morceaux en direct live, ça va nous faire bien plaisir. Le 18, ça sera le 18 novembre, toujours le groupe Lajari. Voilà, ça faisait un petit moment, ils viennent tous les ans, et là, pendant le Covid, ça n'a pas été évident, et là, c'est le grand retour. Alors, ils n'ont pas attendu, habituellement, ils viennent pour le mois de décembre, cette fois-ci, ils viendront pour le mois de novembre, donc le 18 novembre, Lajari, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 25 novembre, nous recevrons Jesus Whiskey, je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui. Voilà, on a joué avec eux déjà. Oui. Ouais, donc, il y a Dominique Fallade que tout le monde connaît, l'harmoniciste qui accompagne beaucoup de groupes, qui a joué avec les Blues Factory, avec beaucoup de talent d'ailleurs. Ouais, avec beaucoup de talent. Oui, c'est vrai qu'il c'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Mm-hmm. Et donc, moi, j'ai vu sa nouvelle formation il n'y a pas très longtemps. C'était au son des blés. Ouais. Et franchement, bien. Ça envoyait bien. C'est des voisins aussi d'ailleurs. Ils sont à côté de chez nous. Hein. Tous à côté. Tous les meilleurs sont à côté de chez vous. Alors, si je comprends, il doit y avoir quelque chose. Il y a du talent, donc. Il y a un truc radioactif qui fait que les gens, ils ont plus de talent qu'ailleurs. Voilà, sûrement un phénomène. Pour la première fois, ils n'ont pas joué avec nous, je crois bien. Pour la première, en fait, il me semble que c'était. Leur première, ils l'ont fait avec nous au Café 2, là. Café de la Mairie. D'ailleurs, voilà, c'est ça. J'en profite pour dire aux Arléanais qui ne connaissent pas encore, s'il y en a qui ne connaissent pas, au Café 2 à la Mairie, au Café 2 à la Mairie. Nous, on dit le Café 2, voilà. Il y a des concerts toutes les semaines, quasiment, un peu tout style, et des concerts vraiment qualitatifs. Et en plus, Morgane fait à manger. C'est sur réservation parce que les places sont plutôt limitées, mais c'est un vrai café-concert avec une vraie scène, des vraies lumières, avec une ambiance comme à la maison et qui est vraiment, vraiment super. C'est bien que tu le dises, parce que moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais tous les artistes qui ont été m'ont dit du bien. Donc, l'accueil est vraiment excellent et c'est comme à la maison dans des très, très bonnes conditions. Il y a du théâtre, il y a tout un tas de choses, des concerts, c'est assez sympa. Ça s'appelle Café 2. Ouais. Vous tapez sur Facebook, vous allez le trouver et c'est à l'Aïeval. Très bien, c'est bien de le redire. Régulièrement, on les cite et là, ça nous fait plaisir que ce soit vous qui les citiez. Donc, c'est Morgane qui s'en occupe et j'ai eu l'occasion de discuter avec elle et elle m'a invité, mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Mais bon, faut venir. Alors, Albino, je peux pas être partout. En fait, moi j'avais été à Laïn, donc si tu viens, on te paye une bière, il n'y a pas de problème. Vas-y, moi. Ou deux, même. Après, il faut que je rentre aussi. Oui, mais tu peux même dormir. On peut dormir sur place, il y a des canapés. Il y a tout ce qu'il faut. Thank you. C'est vrai que moi, ça m'arrive aussi des fois d'aller à des concerts et on sait que la police nous attend derrière. Donc, bon, il y en a qui n'ont pas bu, il n'y a pas de souci. Mais il y en a des fois qui se disent, nous, on va rester là, donc on va attendre un petit peu avant de prendre la route, ce qui est bien. Hein. C'est vrai que c'est pas bien de prendre la route avec quand on a pris beaucoup d'alcool. Donc, c'est un danger pour les gens et pour les autres personnes. Donc, quand c'est comme ça, vous restez sur place, vous attendez un petit peu. Et puis, quand ça passera, vous reprendrez le volant le lendemain. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, ça ne nous empêche pas de nous amuser, mais il faut pas prendre le volant qu'on a trop bu. Voilà. Très bien. Donc, on a cité tous les artistes que nous allons recevoir dans les prochaines semaines. Et donc, à chaque fois, c'est un vrai bonheur d'avoir des artistes qui ont un style différent et ça nous fait plein de découvertes. Mais on s'aperçoit que le monde est petit. Hein. Vous connaissez bien les artistes quand même de la région. Oui. Bah, en fait, on se croise sur les scènes. Donc, à la longue, on connaît un petit peu tout le monde, mais... Bon, c'est sympa, hein. Au moins on discute avec tout le monde. C'est drôle, sympa. Après ça dépend des mentalités des gens, mais moi il y a des gens des fois qui viennent ici, hein, des groupes, ils ne parlent que d'eux, ils ne parlent pas du tout des autres. Et après on s'aperçoit qu'ils connaissent plein de gens. Je dis pourquoi ils n'ont pas parlé quand je leur ai posé la question. Et il y a même, je peux même vous dire qu'il y a des fois dans un groupe, il y a des gens qui jouent dans deux groupes. Et donc la personne qui joue dans deux groupes, elle n'a pas l'autorisation de parler du deuxième groupe. Ah oui, non. Sinon les autres le regardent et puis je dis c'est bizarre quand même. Bon, non, mais bon. Fout, non, on n'est pas. J'ai en profité pour Dom vient me dire que les Jesus Whiskey jouaient au Tesson au mois de décembre. D'accord. Voilà. On n'a pas la date exacte, mais. Si, moi je l'ai, c'est au concert des potes, au Tesson, au concert des potes, le 12, je crois, je suis pas sûr. C'était pas le 10 plutôt. on va le trouver. Hein. Ouais, au caisson, là, il y a Dom qui est en train de canoter sur son téléphone. Le 11 et demi, peut-être le 11 et demi. Parce qu'on devait jouer avec les Mocking, mais malheureusement. C'est le 10. C'est le 10. D'accord. Le 10 décembre, donc au caisson. Il y a plusieurs groupes, oui. Ça va être une belle soirée aussi, ça, je pense. Bon, les Jesus Whiskey, on vous demandera un petit peu de. Mine Circle, ouais, de Blois. Mine Circle, qu'on a reçu. Ah oui, ils sont de Taver. C'est qui les derniers? J'ai pas vu. Bug in Box, ils sont de Taver, il me semble. Ils sont passés au Café 2 d'ailleurs aussi. Oui. Mais c'est encore des voisins. Voilà. C'est ce qu'on appelle les groupes locaux. C'est ça. Parce qu'ils sont. On est tous dans la même rue en fait, Albino. Voilà. Ils sont dans le local. Les groupes locaux. C'est ça, absolument. Voilà. Très bien. Donc encore une date. Il y a plein de bonnes choses. Hein. Tout à l'heure, je vous ai aussi parlé des Bad Chip. Ils seront en concert donc demain au Dropkick. Je ne sais pas si vous connaissez. Et il y aura aussi un groupe qui s'appelle, je ne me souviens plus. Je vais chercher. Qui sera là. C'est un groupe qui vient de Nantes. Et j'ai écouté. C'est super bien aussi. Donc c'est voilà. Quelque chose 81. Ouais, c'est quelque chose 81. Locomotive 81. Moi, je ne fais pas de pub pour les Nantais. La pub pour les Orléanais. Ouais. Oh, c'est le Pays de la Loire. Syndrome 80. Voilà. Syndrome 80. Ils sont pas bretons. Non. Faudra qu'on ait des discussions avec les bretons. Hein. Voilà. Donc on revient donc au groupe Dérapade. Alors on parlait de cet album. Alors cet album là, donc on sait que le clip, c'est notre ami Dom qui nous a rejoint ce soir, qui l'a réalisé, le clip du morceau Sordide. C'est ça, hein. Tout à fait. Et la couverture de l'album, qui c'est qui vous l'a fait? C'est nous-mêmes avec nos petits doigts, je dirais. Ah, c'est vous qui avez. On avait des photos. C'est ça. La couverture, ouais, on avait. Enfin, l'arrière, c'est Dom qui a fait la photo. Le devant, en fait. En fait, on a fait ça avec le père de ma femme, qui est brestois, qui est musicien aussi. Et donc voilà. Ok, très bien. Et on avait parlé tout à l'heure de l'enregistrement qui avait été réalisé au Sonic Studio 45. Voilà. Donc c'est le studio de nos amis les Chili Dogs. Voilà, donc voilà. Alors il n'y a pas la date sur le disque. Ah bah du coup tu vois, voilà. Ça sera un secret. Ça sera un secret. C'est un album qui restera intemporel. C'est ça. Voilà, c'est un petit peu le truc. Non, on parlait tout à l'heure justement parce que la plupart des albums, il écrit la date et ça nous permet un peu de voir à quelle époque c'était sorti. Et là, il y a eu un petit oubli, mais bon, on sait que c'est sorti en 2022. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Très bien. Alors, il y a eu l'enregistrement. L'enregistrement, il s'est passé sur combien de temps? Deux jours. Et puis après, Franck a fait le master tranquillement. Il y a eu une troisième journée. C'est sur deux jours, le plus gros sur deux jours. Ouais. Voilà. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres projets? Bon, déjà, il y a l'album. Maintenant, il va falloir le vendre. Alors là, je suppose que c'est à vos concerts. Les gens peuvent aussi vous contacter peut-être par Facebook et tout ça, et puis vous leur envoyer. Voilà, il y a même les contacts sur l'album, il me semble. Mmh. Oui, il y a plusieurs contacts. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Après, l'idée, c'est de rôder sur scène. Mmh. Et puis nous, on continue de faire des morceaux. On commence à en avoir pas mal. Donc l'idée, c'est de faire de la scène, voilà. Donc là, il y a 5 morceaux, mais vous êtes capable sur scène de jouer pour combien de temps? Ouais, on a 1h30, 2h de set, quoi. D'accord. Et vous avez combien de compos à votre actif? Une vingtaine. Un petit peu plus de 20. Il y en a qui vont arriver, donc ouais, c'est un peu plus de 20. Donc, en fait, on a plein d'idées. On a plein d'idées, mais fou. Non, mais bon, et ça commence comme ça. Ça commence par une idée. Voilà. Après, il y a beaucoup de travail. Ouais, hein. Vous avez le talent déjà. Donc maintenant, après, c'est beaucoup de travail. Et puis, vous arrivez à réaliser des bons morceaux que vous enregistrez dans des bons studios. Donc là, pour l'instant, il y a déjà cet album à défendre. Après, peut-être qu'il y en aura un deuxième. Hein, ou est-ce qu'il y a déjà des idées pour un deuxième ou... Le but, c'est de faire un deuxième. Pour l'instant, on a quelques morceaux, mais on voudrait vraiment rôder sur scène. On voudrait, on voudrait faire de la scène. Là. D'accord, ouais, la scène. On veut faire du live et rôder l'album qu'on a fait là. Mm-hmm. On rajoutera au fur et à mesure des lives qu'on va faire, des morceaux qu'on va créer là. Et puis on va voir. Et puis si ça prend, pourquoi pas faire un album. Vous pouvez lancer la grange, hein. Ah, c'est ça, ah, voilà. C'est ça, voilà. Donc, on va passer à la grange. Dom qui est là, il nous dit, vous pouvez dire. Dom, assieds-toi devant le micro. Il nous entend pas parce qu'il a pas de casque. En fait, le problème, c'est qu'on partage les casques. C'est vrai qu'habituellement, je change toujours en plus. Et là, ce soir, sinon, on n'en coupe pas en deux. Donc, en fait, le 4 février, c'est ça, Dom, hein. Le 4 février. Voilà, je peux vous confirmer en avant-première parce que personne ne le savait. C'est un petit peu comme le prochain Mavrica que j'ai appris le 10 juin. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. On a juste réservé la salle. Voilà, ça s'est fait vraiment il n'y a pas très longtemps. C'est déjà un premier pas. Et puis c'est vrai que tout le monde me demande, alors le prochain Mavrica Live. Et là, on est content de l'annoncer. On est en attente. Et donc nous, on a déjà réservé le groupe. Qui s'appellera Dérapade, le 4 février, normalement, si tout se passe bien, à la grange de Nohant, qui reprend du service, puisqu'on a commencé déjà à reprendre les concerts dernièrement avec Neil Black et avec Shaggy Dog. Freddie Miller le 17 décembre pour clôturer, et puis donc la reprise de 2023 avec Dérapade à la grange. D'accord, c'est bien. Leur, on ouvre le bal et il y aura du feu d'artifice, leur DVD, un champagne. On va préparer ça maintenant. Une bonne nouvelle parce que il y a des endroits comme ça où moi j'ai toujours entendu des bons retours de la grange. Donc c'est une superbe salle. Moi j'ai pas eu l'occasion d'y aller encore. Ça sera peut-être il va falloir inviter en priorité. Savoir que ça repart, qu'il y a des grands artistes. Tu nous as parlé tout à l'heure de Freddie Miller que j'ai eu la chance de recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On se mettra un petit morceau tout à l'heure aussi. Il faut aller le voir parce que c'est un très grand bluesman. C'est superbe. Et puis pour l'année 2023. Bon, je pense qu'il y aura des petites surprises, on peut pas en parler maintenant, mais il y aura des petites, voire des grosses surprises. Voilà. De toute façon, tu reviens quand tu veux pour en parler, il n'y a pas de souci. J'y manquerai pas. Très bien, J'ai noté le 4 février, hein. Tu vois, quand je suis tout seul dans l'émission, moi, j'essaie de passer beaucoup de musique, et quand je suis avec du monde comme ça, j'en apprends plein. Il va falloir que je regarde dans mon agenda, mais effectivement, il y a beaucoup de dates qu'on peut marquer, et puis justement, vous venez d'en annoncer plusieurs autres, donc au fur et à mesure, on va avertir tous nos auditeurs pour qu'ils aillent au concert, ça c'est important. Le principal, c'est d'aller au concert, quel qu'il soit d'ailleurs, avec n'importe quel groupe, n'importe quel lieu, faut aller au concert. Faut faire vivre les groupes locaux, surtout qu'on a des excellents musiciens, ça sert à rien de se prendre la tête. Surtout qu'il y a aussi beaucoup d'assos dans le coin, faut le dire quand même. Tous ces concerts, ils ont lieu parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent dans des assos, qui se défoncent pour que la musique live existe, et donc voilà, faut... c'est quand même, voilà, c'est bien de la soutenir, quoi. Mmh, ouais, donc toutes les assos. En plus, ce qui est bien avec les assos, c'est qu'on n'est pas forcément, parce que des fois, il y a des rivalités avec les musiciens professionnels. Quand c'est des assos, ben on est content. Ben, même nous, on reçoit des artistes, d'autres en reçoivent d'autres. Moi, je vais facilement voir d'autres associations qui organisent, par exemple, le son des blés qu'on avait cité tout à l'heure. Voilà, on y va avec beaucoup de plaisir. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on est vraiment content. Et au même temps, on peut découvrir, par exemple, dans un concert organisé par une association, un groupe qu'on va faire jouer un peu plus tard. Donc, voilà, c'est le but. Hein. Voilà, donc tous les gens qui se bougent et qui font bouger les associations et qui font jouer les artistes, il faut les encourager. Absolument. Hein. Il faut continuer. Absolument. Très bien. On a parlé donc de cet album-là. Il y a eu un premier clip qui s'appelle Sordide. C'est le morceau qu'on va écouter juste après. Est-ce qu'il y aura d'autres clips vidéo? Est-ce que monsieur Dom... Ça, faut demander à Dom, ça. Dom Rousseau a-t-il pris du plaisir... Ouais. Dom, a-t-il pris du plaisir à faire le premier clip? Et est-il prêt à en faire un deuxième? Non, pas du tout. C'était nul à chier. Les artistes étaient nuls. Ils m'écoutaient pas. Ils faisaient n'importe pénible quoi. Pénible et tout. Voilà, non. Non, c'est vrai que... C'était une première expérience. Ouais, parce que tu es connu comme photographe, donc t'as l'œil pour l'image. Ouais, et la vidéo, c'est différent. Hein. Il faut le savoir. Il y a des gens qui sont très bons en vidéo, ils sont pas bons en photographie, et inversement. Là, c'était différent, mais enfin, c'était un travail collectif. C'est ça qui était déjà important, parce qu'on a fait le clip tous ensemble. On l'a décidé ensemble, on l'a tourné ensemble, et je pense que c'est le fruit, le résultat d'un travail en commun. Et puis en plus, on y a pris beaucoup de plaisir, donc c'était c'était énorme. Et puis je pense que on en fera sûrement un autre, ces quatre ensemble. Puis l'été, un petit coup de barbecue, un petit clip. Voilà, c'est ça. Ça fait pas de mal. Voilà, on n'a pas abordé ça d'une manière vraiment vouloir vraiment jouer les professionnels. On a voulu se faire plaisir, on a voulu que les gens prennent du plaisir à regarder. Bon, on a quand même fait ça du mieux qu'on pouvait. Hein. On a fait du mieux qu'on pouvait. On a un peu chiant quand même. On a forcément des critiques à nous faire. Nous-mêmes, on s'est fait nos autocritiques. Mais et puis on a fait avec les moyens aussi, parce qu'on n'a pas des moyens professionnels de vidéo et de tournage. Mmh. Donc voilà. Donc je pense qu'on s'en est pas trop mal tiré. Je te dis heureusement qu'on avait un travail collectif pour arriver à ça. Et puis voilà, il y avait un bon morceau, qui était déjà qui incitait déjà à faire un clip, que déjà le morceau par lui-même, je sais pas qui c'est qui l'a écrit d'ailleurs, ce truc. Il me semble que c'est qui. J'ai... Non, moi je crois que c'est des Rapades. Hein. Ouais, et finalement c'est vrai que voilà, quand j'ai écouté, quand on a choisi, essayé de choisir un morceau, ça d'évidence les images étaient déjà là dans nos têtes. Bah, et là, c'est un peu actuel quand même le morceau. Hein. Oui, tout à fait. En plus, c'est l'actualité. Oui, l'actualité, oui, c'est tout à fait ça. Malheureusement, mais voilà. C'est donc, c'est un petit peu aussi le côté des Rapades. Je sais pas si vous avez. J'ai pas tout écouté toute l'émission que j'étais sur la route, mais t'as pas d'autoradio dans ta. Voilà, c'est ce qui m'arrête. C'est effectivement bon. Voilà, le rock français, c'est déjà quelque chose de pas évident. Mais au niveau des paroles, c'est pas des paroles en l'air, quoi. Je veux dire, on peut chanter des paroles d'amour, de ceci et de cela, c'est très sympa. Ouais, c'est plus facile de dire en mais anglais, love you, baby, voilà. Rock à... Baby hair. Tandis que là, on rentre vraiment dans le fond, dans un fond de choses qui apporte de la réflexion et tout. Donc, en plus de tout ça, je pense que c'est déjà à souligner. Et puis, c'est intéressant à écouter aussi. Hein. Ah, bah oui, tout à fait. Parce que bon, c'est vrai que la langue sur laquelle les gens, font le plus de rock'n'roll, c'est l'anglais. Mais il faut savoir que justement les musiciens qui sont venus ici, qui faisaient des paroles en français, justement, ils ont l'impression, ils ont quelque chose, un message à faire passer en plus. Parce que bon, chanter en anglais c'est bien, mais quand on s'adresse à un public français, le fait d'utiliser la langue française, les gens comprennent exactement ce qu'on dit, donc c'est moins évident. Hein, et les gens vont peut-être être un peu plus critiques. Hein, parce que quand c'est en anglais, ça sonne, c'est tout. Alors que là, bon, ils écoutent les paroles, ils font faire attention. C'est peut-être moins évident de le faire en français, moi, je trouve. Non? Moi, je pense qu'on prend un peu plus de risques, ouais. Parce que moi, j'écoute de l'anglais, du rock anglais, je m'occupe pas des paroles. Oui. Je pense qu'on... Même s'il y a des beaux textes, hein, il faut le savoir. Je suis une vraie quiche en anglais, donc si tu veux, moi j'écoute l'ensemble et puis voilà. Mais je ne saurais pas te dire ce que dit la chanson en anglais. Mm-hmm. Tu vois. Par contre, quand j'écoute du rock français comme Eiffel ou Cachemire ou autre, ça parle, il y a un texte, c'est du rock. Voilà, moi je suis content, ça me raconte une histoire. Voilà. Après, bon. On critique pas ceux qui préfèrent l'anglais. Oui, oui, enfin, après, non. C'est pas le but. Mais moi, je préfère raconter une histoire. Ouais. Très bien. Sympa, ouais. Donc, on va écouter peut-être le morceau qui est calé sur la platine hein, depuis tout à l'heure. Donc, le morceau s'appelle Sordide. Allez. Donc, c'est le morceau qui a été clippé par notre ami Dom. C'est ça. Et on écoute tout de suite. Qui tire sur des cibles mouvantes. Est-ce le sang qui attire ou l'envie d'épouvante? Pas le choix de vivre avec ça. Car tu vois, sordide, mortel. Yesterday, I'm just Tortue de mer et pacotille. c'était mon Parnasse. Mais j'ai mis du poivre dans le misère. Que le cimetière puisse éternuer ta crevasse, qu'elle rejaillisse à travers le ciel. On est tous là, tous solitaires. De beaucoup dans l'émission Mavrika, on veut tout savoir. Et puis, de temps en temps, quand on envoie de la musique, on envoie de la musique. On en envoie trois morceaux à la suite. D'ailleurs, je vous les annoncer. Voilà, on avait commencé avec Dérapade, avec le morceau Sordide. Juste après, un petit groupe de jeunes, je sais pas si ça va percer, ça s'appelle Deep Purple, avec un morceau qui s'appelle Banana. C'est le nom du morceau, ça? Tout à fait, très bien. De l'album, peut-être, oui, c'est ce qui me semblait. Enfin bon, c'est pas bien grave, hein. En tout cas le morceau était excellent. Hein, comme, excellent. Alors Deep Purple, c'est quand même un groupe qui, qui a tout révolutionné. Hein. Franchement, moi je sais que quand j'ai découvert Deep Purple, c'était quelque chose de complètement nouveau à l'époque. Hein. Et puis aujourd'hui, beaucoup de groupes se sont inspirés de ces artistes-là. Et à l'instant, un groupe français, voilà, qu'on a déjà diffusé plusieurs fois dans l'émission Mavrika. C'est un groupe qui s'appelle Eiffel. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Milliardaire. Donc voilà. Trois morceaux à la suite. On en a encore plein de choses à découvrir, plein de morceaux à écouter. Et on a déjà attaqué, là, bah oui, on a déjà attaqué la troisième heure. Hein. Comme quoi le temps passe vite. Alors les invités, quand ils viennent ici, ils disent, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire pendant trois heures? Et puis finalement, on arrive à la fin des trois heures et on dit, bah on n'a pas tout dit, donc il va falloir qu'on revienne une prochaine fois. Voilà. Donc j'espère que vous allez revenir prochainement, dès qu'il y a de l'actualité, avec le groupe Dérapade, ou alors avec peut-être un autre groupe. Hein. Je sais que par exemple les Mockingbird, dès que Jean-Marc ira, ça serait super qu'ils reviennent, parce que en plus il y a du live avec eux à chaque fois. toujours un plaisir. Donc les groupes ont la possibilité de jouer en live dans l'émission Mavrika, mais en mode restreint, c'est-à-dire qu'on peut pas amener la grosse batterie, on peut pas amener les amplifications. Ou alors ce soir, ben on découvre cet album, on n'écoutait que deux morceaux et on est déjà presque on a fait les deux tiers de l'émission, donc il va falloir qu'on rattrape un petit peu le temps perdu. Alors moi je voulais savoir encore des choses sur Dérapade. Alors le groupe on sait qu'il a un an. Blanc, qu'il est composé de quatre artistes, Serge, Paul, Thierry, Jérôme, que vous avez sorti un album Dérapade, Dérapade, Dérapade, Dérapade. Donc, Dérapade tout court. Voilà. Il a cinq. Est-ce que tu peux le lire en diagonale? Parce que je ne sais pas si tu as vu. Il y a ouais, en couleurs, diagonale, on peut le voir. Il y a un rouge D sur le deuxième rat. Voilà. Pas de. Oui, ouais, j'ai vu, effectivement. C'est... Tu vois, tu lis même en diagonale. Même en diagonale. Qu'il a été enregistré au Sonic Studio, donc de nos amis les Chili Dogs, que vous pouvez l'acheter lors des concerts, hein, ouais. Ou alors vous le commandez hein, par l'intermédiaire de Facebook. Ou... Est-ce que vous avez un site? Vous n'avez pas encore de site? Non, on n'a pas de site. On a un Facebook Dérapade, on a des numéros de téléphone sur l'album. On ne l'a pas distribué encore. Mmh. Voilà, il sera, je pense, faut qu'on le distribue. On n'a pas fait la distribution encore. Très bien. Mais là, à chaque petit concert qu'on va faire, il sera là. Il sera disponible. Donc, les gens qui le veulent. Bah, ouais, les gens, ils vous écoutent, ils ont envie d'emmener un petit morceau de vous chez eux. Et voilà, donc ils emmènent l'album. Sinon, ils emmènent un morceau de Serge, mais bon. Il ne va plus rester grand-chose. J'ai encore une hanche en plastique à donner, mais. C'est ça. Voilà, donc voilà pour le groupe Dérapade, hein. C'est un groupe qui va jouer, il y a plusieurs dates de concert, vous allez nous les rappeler si vous les avez devant vous. Eh ben la prochaine c'est le 5 novembre chez nos amis les Chemambalek. Il faudra venir nombreux aux Chemambalek. Ah oui, parce que là c'est une vraie scène sympa avec des gens qui sont vraiment branchés musique, avec des musiciens d'ailleurs dans ce club. On voit bien et c'est super sympa. Ouais, vraiment. Et en plus, on mange bien. C'est ce que j'allais dire. On mange très bien. C'est ça que c'est super valable. Il faut réserver sa place. Voilà, faut réserver sa place. Il y a sur Facebook, on a diffusé l'affiche. Il y a un 06. Faut pas hésiter à les appeler pour réserver parce que c'est vite plein. Oui, d'accord. Les Chemambalek. Voilà. C'est un gré, c'est ça. Hein. C'est ça. Un gré, ouais. Voilà. Et donc ensuite, on joue au VNB de Bâle le 17 novembre. Mm-hmm. Et ensuite, au Dropkick avec les Red Def. Voilà, c'est ça. Le 19. Très bien. Donc, il n'y a pas d'excuse pour pas aller au moins à un concert. Il faut y aller aux trois même. C'est vivement conseillé. C'est mieux pour l'entraînement. Donc, il y a une carte sur laquelle vous avez une carte de fidélité. Oui, et à chaque fois que vous allez au quatrième concert, c'est gratos. Ouais. Ouais, donc, vous allez au troisième, voilà. Aux trois concerts, et le quatrième, qui viendra, ça sera gratuit. Et pour le cinquième, on offre Thierry pour une semaine. Notre batteur fou. Ouais, après, il y a le 4 février à la Grange aussi, et puis après, dans l'année, il y aura d'autres concerts. Mais bon. Déjà, venez nombreux nous voir déjà pour ces petites dates-là. Nous, on sera super contents. On va tout partager. Voilà. Est-ce que vous allez, vous aussi, au concert? Oui. Ah oui. Alors, on a parlé de vos influences. On a écouté pas mal d'artistes. Est-ce qu'il y a des artistes... Bon, on a déjà cité pas mal. Des artistes de la région que vous appréciez bien. Et bon, on a déjà parlé de Chili Dogs et Red Daff. On veut des noms. J'aime bien les whisky, moi aussi. J'aime bien les whisky. Ça envoie bien, c'est pas mal. Ça envoie bien, c'est route, c'est sympa. Ouais. On a les Swing Camille aussi qu'on a vu, aussi qui sont vraiment super bien, quoi. Qui sont. Moi j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Moi j'écoute ça, c'est vrai que ça me fait voyager, ça transporte le swing comme ça. C'est vraiment agréable. Ouais, c'est super sympa. Et je vais voir un peu tout ce qui passe, tout genre. Et puis d'autres à découvrir aussi. Si, j'avais bien aimé quand on avait été au café de la mairie, là. On avait été voir un groupe qui s'appelle Sika. Ouais. Oui, il y a une chanteuse, un batteur et un guitariste. Et elle est vraiment excellente, ouais. J'avais bien aimé aussi ça, ouais. Je connaissais pas, mais... Ouais. D'ailleurs, moi je la connais depuis pas mal de temps. Elle est venue déjà avec plusieurs formations différentes ici. D'accord. Et donc là, c'est sa dernière formation, Sika, effectivement. Sika. Et il y a eu même une affiche dans le couloir qu'elle nous avait laissée la dernière fois qu'elle était venue. Et c'est vrai que le truc marche bien. Hein. Il y a des bons musiciens qui l'accompagnent aujourd'hui. Parce qu'au début, elle avait commencé un peu toute seule. Elle faisait sa musique sur ordinateur et chantait. Ouais. Elle a une voix... C'est une superbe voix. Ah, hein, là, franchement. Ouais, il faut écouter, il faut aller voir. Ouais, c'est surprenant. Ouais. Et c'est elle aussi qui était venue avec un projet avec des rappeurs justement qui étaient venus ici. Donc c'est quelqu'un que je suis déjà depuis pas mal de temps. Et elle faisait du metal harmonique à une époque aussi. Ouais. Il y a eu pas mal avec les Mended of Art, les Child Dolt. Ouais, voilà, je pense que je l'ai dit à peu près bien. Et donc elle est venue avec plus plusieurs projets, et là, son projet là, qu'elle défend le, au maximum, c'est le projet Sika. Ouais. Et d'ailleurs, le truc, c'est quand même d'aller voir les gens jouer en live, parce que c'est vraiment... C'est là qu'on les découvre le mieux, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, le côté vivant, il y a, il y a les lumières, il y a le, il y a le son professionnel, parce que souvent c'est quand même des bons sons, c'est mieux que sur un petit électrophone. En plus, il y a les odeurs, il y a la chaleur, il y a tout ça. Souvent, il y a la relation, il y a la relation publique, voilà. Qui se fait aussi. Mm-hmm. C'est un peu magique, ça. Ouais, et puis ça change tout ce qu'on écoute tout le temps à la radio. De découvrir d'autres artistes, sympa, c'est vraiment sympa, quoi. Moi, je trouve que c'est vachement sympa de découvrir comme ça des gens. Tout style confondu. Tout style confondu, tout à fait. Puis on passe une bonne soirée dans tous les cas. Bah oui. Hein, ouais. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. C'est-à-dire, même si c'est pas tout à fait le style qu'on cherchait au départ, on se retrouve des fois, on dit franchement, et puis après on s'y intéresse, et puis justement, on se cultive en. Faut écouter tout, il n'y a pas de. Est-ce que les gens à la fin des concerts viennent vous voir aussi discuter un petit peu avec vous? Oui. Ça c'est quelque chose que vous appréciez ou quelque chose que vous fuyez plutôt? Bah oui, c'est super agréable. Ouais, moi je trouve aussi, mais bon. Nous c'est ce qu'on privilégie, que les gens viennent nous voir en discutant. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mal. Ouais, il y a pas de problème. Hein. On est ouvert. C'est vraiment sympa. Ouais. Plutôt que de faire un concert, jouer, s'en aller, non, ça se passe pas comme ça. Nous on aime bien jouer, échanger. Les gens viennent, c'est ce qu'on veut. Il n'y a pas de barrière. Donc pour l'instant, vous êtes encore accessible, il faut en profiter. Ah bon, c'est toujours accessible. Le jour où. Surtout Serge. Moi, je suis accessible. Il est très doué. Le jour où vous allez jouer dans un stade et l'hélicoptère sera obligé de vous emmener à la fin du concert. On restera avec les gens. Oui, on restera avec les gens. Voilà, c'est le côté convivial. C'est vrai que la musique, c'est quelque chose qui rapproche les gens. Donc, c'est un peu l'idée. C'est eux qui font la musique. Je sais pas. Moi, quand je veux voir un groupe, j'aime bien que le groupe reste plus longtemps. J'aime bien. Ouais. Moi, j'avais été voir Ibrahim Alouf. C'est un musicien hors pair. Il était resté avec nous. Enfin bon, il avait joué, mais il était resté. Il avait discuté. Je trouve ça excellent. C'est pas des gens qui ont une tête comme un melon et puis qui se barrent. Voilà. Il y a d'autres artistes qui le font. Je citerai pas les noms. Je préfère moi les. Voilà, c'est convivial. Les vrais authentiques, les gens qui sont vraiment authentiques, qui partagent la musique parce qu'ils aiment la musique. C'est ça. Alors qu'il y en a d'autres, bon, c'est vrai qu'on se demande pourquoi ils font ça. Le but, c'est d'être content d'être là, quoi. Bah oui. C'est ça. Très bien, donc régulièrement, vous allez voir aussi d'autres artistes, ce qui est bien aussi. Quelles seraient les deux couleurs qui illustreraient le mieux votre univers? Ouf. Le noir. Il y a le noir, je pense, par rapport à la pochette, peut-être. Ouais, est-ce qu'il y a une autre couleur? Non, c'est du. On n'est pas trop sombre. Du rock un peu teinté blues, un peu teinté des fois heavy blues, des fois. Je sais pas, un peu. Il y a des balades aussi, on fait quelques balades, mais qui sont jamais. Comment dire? Qui sont un peu alambiquées, on va dire. Des balades en moto, j'ai même. Voilà, comme dit Dom, c'est plutôt des balades en moto. Ou en trottinette. Voilà. Non, plutôt en moto. En moto italienne même. D'accord. Ouais. Vous êtes des bikers vous-même, non? Ah ouais. Ah oui. Surtout Thierry. Non, pas moi. Alors nous, on roule en fusil avec Serge. On n'a pas le droit de dire la marque. On m'en fout. On ne pourra plus passer chez Je m'en balèque. Ah oui. Effectivement, il y a toujours entre les motards, il y a toujours des. Ça c'est comme pour la musique. Une moto, c'est une moto. Oui, c'est ça. Moi, je dis à part qu'il y en a qui font plus de bruit, il y en a qui font moins de bruit, il y en a qui tourneront, d'autres un peu moins. Ouais. Mais quand ça donne du plaisir et que voilà, l'important c'est de rouler. Absolument. Tout à fait. Voilà, c'est ce qu'il faut voir. Absolument. Non, on est un peu. C'est vrai que les morceaux sont un peu. Voilà. Nous, on aime faire ce qu'on fait, et puis... C'est du dérapage. On essaie de développer une couleur à nous, quoi. Un son à nous, une couleur à nous, qui est rock, quoi, mais bon, avec nos influences qui sont quand même assez diverses. Ce qui est sympa, quoi. Très bien, donc du dérapage. Voilà, donc les deux couleurs qu'on retient, c'est... Le noir. Je suis souvent la et couleur. Le noir et l'orange. Le noir et l'orange. Bon, je suis pas sûr, mais. Le noir, bon, souvent c'est la couleur du rock'n'roll, hein. Voilà. Et le blouson noir, etc. Et l'orange. C'est la couleur du punch. C'est ça. Du punch à Angers. C'est ça, parce que Thierry aime bien les îles quand même. Et on les aime bien aussi, les îles. Voilà. Ouais. D'accord, les îles. Voilà. Les îles, hein. Les îles. Et les onds aussi, et les onds aussi. C'est une boutade, hein. C'est... Très bien. On aime bien tout, nous, en fait. Et toi, on aime bien tout. Ouais, bah oui, c'est ça. Vous aimez bien justement le partage, rencontrer des gens. La... Voilà. Et ça, c'est quelque chose de vraiment bien. Parce que moi, au début, quand j'ai commencé à faire l'émission, je connaissais pas les artistes de la région. J'ai commencé à les recevoir, j'ai commencé à aller les voir en concert. Et puis finalement, on rencontre plein de passionnés. Alors à chaque fois que je vais à un concert aujourd'hui, bah, c'est rare qu'il y ait quelqu'un dans la salle que je connais pas. Même, ouais. même des fois, je suis assez loin de chez moi et je rencontre encore des gens. Parce que bon, bon la passion rapproche les personnes. Donc la musique, bah, c'est une bonne... Il y en a, c'est le sport, il y en a d'autres, c'est la musique, il y en a d'autres, c'est les motos. Et l'un n'empêche pas l'autre. On peut aimer la moto et le sport et la musique. La musique aussi, il n'y a pas de souci. Très bien. Ok, bon, bah, on a évolué un petit peu. Alors, je voulais savoir quels sont vos projets là, pour l'avenir. Donc, les concerts, peut-être un nouveau clip, bon, peut-être pas dans l'immédiat. L'idée, c'est vraiment de faire des concerts. Des concerts. C'est de roder tous les morceaux en live. Et là, l'album, il n'y a pas énormément de titres. On en a... quand même une vingtaine en tout, donc on voudrait bien voilà, arriver à roder tout ça comme il faut et à passer le maximum sur des vraies belles scènes, quoi. Vous retrouvez tous les combien pour répéter toutes les semaines? Toutes les semaines, voire deux fois par semaine. Ah ouais, ça bosse quand même, c'est... Ouais. Et comment ça se passe? C'est vous bossez bien et puis après vous... Non, ça se passe mal. Quand on se voit une fois par semaine, ça va. Deux fois, c'est que ça s'est mal passé. Je les fouette quand même. Il faut que je les fouette un peu. Non, ouais, on fait au moins une répète par semaine tous ensemble. Et souvent, avec Serge, comme on bricole un peu les compos déjà pour proposer quelque chose d'à peu près construit au démarrage. Et puis voilà, pour... comme on est les deux guitares, on essaye de les harmoniser. On essaye de jouer à peu près pas trop mal, en fait. Pour soumettre l'idée aux deux autres. Voilà, donc voilà, on fait et ça. Des fois, ça se passe mal. Est-ce qu'il y a des morceaux que vous avez proposés qui n'allaient pas du tout que les autres membres pour l'instant, pas. Non, pour l'instant, vous avez accepté. Tout a été accepté. Par contre, il y a des bizarreries dans les trucs, mais l'idée, c'est... En fait, nous, on joue, on sait pas vraiment ce qu'on joue, c'est pas vraiment académique. Surtout. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on joue tous ensemble, par contre, ça, c'est sûr. C'est mieux. Et voilà. Donc, le truc qui est sympa dans la musique, contrairement à plein d'autres activités, c'est qu'on fait ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, dimanche, nous, on est content de ce qu'on a fait, et, ben, ça, quoi. Après, les gens reçoivent ou reçoivent pas, mais, voilà, nous on s'impose pas de règles ni dans le genre, ni dans les structures, ni dans... Ouais, c'est le feeling qui vous entraîne. C'est, ouais, voilà. Il y a ce truc-là, il nous plaît bien, ouais, les accords sont bien, on continue comme et ça. Voilà. Voilà. Ah ouais, t'as le... Ah ouais, ça, et voilà. Ainsi de suite. Et vous pensez... Allons-y. Ouais. D'accord, c'est comme ça. Donc, ouais. Ouais, moi je pense que c'est la meilleure méthode, hein, parce que ceux qui font un tube et qui disent on a trouvé une règle pour le faire, bah, ils l'appliquent une fois, la deuxième fois ne marche plus. Hein. Ah, il y en a qui ont fait quelques-uns quand même. Mais... Oui, il y en a qui ont fait deux, trois morceaux qui se ressemblaient, ouais. Qu'on pouvait même remixer. Ouais. Hein, voilà, c'était simple, hein, c'était pratiquement la même chose. Et après, au bout d'un moment, les gens se lassent aussi. Donc après, il faut savoir innover toujours et puis proposer toujours après, des choses. Après, nous, voilà, on se fait plaisir, voilà, c'est l'idée. Bah, l'idée, oui. Bah, déjà, le musicien, normalement, il essaie de se faire plaisir à lui-même et après, partager l'émotion qu'il a ressentie avec les membres du groupe, déjà, et avec le public. Ouais. Et... parce que s'il n'y a pas cette émotion au départ, partager quelque chose qu'on n'aime pas, je pense que ça doit pas c'est être... compliqué. Ça doit se ressentir. Hein. Après, quand les morceaux sont reçus par les gens, c'est vraiment super aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Quand les gens viennent te voir, te disent ah, putain, ça c'était pas mal. Ah ouais, j'ai bien aimé ce morceau-là. Ouais, c'est, ça. C'est agréable. Mmh. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir et ça booste et ça vous donne envie de continuer. Carrément. Là, vous avez fait un concert, les gens étaient contents, ils ont été très réceptifs, ils ont montré aussi qu'ils aimaient, donc ils ont participé. Et à la fin, ils viennent vous voir, et puis après, ça vous dit bon, allez, on répète, on prépare un nouveau truc, là, c'est bon. Ça booste un peu, c'est sûr. Parce que des fois, on prend des scuds qui font pas réellement plaisir. Donc, quand après le lendemain ou la semaine d'après, on fait un concert et que les gens sont contents, ça rebooste un petit peu. Mm-hmm. Ouais, c'est pas bon. Et après, il y a comme tous les artistes, hein, je pense même les plus grands, des fois il y a des concerts, on se dit bon, on les a fait parce que bon, ils étaient inscrits dans le truc, on l'a fait. Mais il y en a certains qui laissent des bons souvenirs, puis d'autres où des fois il n'y a pas le monde ou il n'y a pas l'ambiance, il y a des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça fait partie de la vie des artistes, quoi. Ça peut pas toujours être top. La vie tout court, quoi. La vie tout court, oui, c'est vrai. La vie tout court aussi. Hein. Il y a des jours où on ferait mieux de rester couché. Voilà. Et puis d'autres jours, on est content, on dit tiens, j'ai fait plein de choses. Des fois, on est oblique. Très bien. Donc le temps passe, on va écouter le troisième morceau. Alors, le morceau Le Chien Fou. Chien fou. Chien fou, chien fou, hein. Pas le. Hein. Chien fou. Voilà. Attention à le dilo. Alors, chien fou, ça parle de quoi? En fait, ça parle, comme on est un petit peu rebelle, un petit peu motard, qu'on veut garder un petit peu cet esprit longtemps, et ben voilà, ça fait ce morceau-là. Voilà, on essaye de pas trop vieillir trop vite, pas trop rester sage trop vite. Voilà, c'est un peu l'esprit du truc, quoi, en fait. Chien fou. Sa toile dans l'action jusqu'au in a big town. Sometimes I was feeling down. I was working every Sunday, my best wish on the morning. I was running everywhere. I had a friend, but I didn't care. I told my left, my tongue low, always talking to my phone. Plusieurs morceaux à la suite. On a écouté Dérapade avec Chien Fou et à l'instant c'était les Shake Your Hips et on en a parlé tout à l'heure. C'est notre ami Freddie Miller qui chante et le morceau s'appelle Talking to the Birds. Voilà pour les gens qui parlent aux oiseaux. Très bien. Donc voilà, Freddie Miller, on en parlait tout à l'heure. Donc il est venu dans les studios Radio Arc-en-Ciel il y a quelques temps. Il nous avait laissé d'ailleurs cet album. Et donc il sera en concert à La Grange très bientôt. Et forcément, notre ami qui sait la date, eh ben il nous écoute pas. Donc... il est sur son portable, il attend pas. Alors la date pour Freddie Miller, c'est quel jour déjà? C'est le 17 décembre. 17 décembre. Alors, voilà. Par contre, je rappelle quand même que la Grange est un endroit privé, donc nous faisons des concerts privés et tout se fait sur réservation. Donc on ne vient pas comme ça un petit peu là. Oui, c'est privée. Bien de le dire. Parce que... Voilà, je suis en train de préparer les affiches qui vont pas tarder à sortir et on mettra un point, un téléphone ou une adresse mail pour se référer qui permettra de garder les jauges parce que c'est un endroit très particulier mais qui a une petite jauge. Hein, on est à 110-120 personnes. Mm-hmm. Donc, ah oui, donc c'est limité. Et surtout avec des grands artistes, voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas. on est souvent un petit peu limité, donc ce sera sur réservation uniquement. Voilà. D'accord, bah c'est bien de le dire. Donc on rappellera d'ici là la date et puis je repasserai pour la radio tous les éléments et puis sinon sur mon Facebook beaucoup de gens connaissent quand même. Mm-hmm. Il y aura les affiches et sur le Facebook de Freddie Miller aussi on trouvera les affiches qui donneront les dates et les références pour s'inscrire. Et moi, je les partagerai aussi, bien entendu, sur le Facebook l'agenda de Mavrika, où il y a tout, le nouvel agenda de Mavrika. Ok, bah, je te ferai parvenir. Donc, comme ça, on le partagera réseau. Aussi. Et puis, les gens, comme ça, il y aura plus de personnes au courant. Et après, il va falloir se battre pour les places, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Il n'y en aura pas pour tout le monde, comme pour le concert des Dérapades en suivant le 4 février. Voilà. Voilà. Donc là, j'en ai profité aussi pendant qu'on écoutait notre ami Freddy Miller. On a aussi partagé des photos que tu as prises tout à l'heure du studio. Donc on voit ma bouille et on voit aussi la bouille de nos invités. Donc il y a que la tienne qui manque. Mais... Ah oui, non, mais moi, c'est... Moi, je suis toujours derrière. Hein, ça me suffit largement. mais c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'avais partagé une photo de toi où tu étais dans une position assez particulière. Et donc, j'avais tout savoir. Il était... Et donc, j'avais pris... J'avais cadré, justement, pile poil. Je me souviens. Et c'est vrai que... Je suis nos amis de Redder. Ouais, et puis beaucoup de gens ont mis un j'aime parce que tu es quand même une célébrité dans la région. Oui, donc, faut pas exagérer non plus. Quand même. Ah oui, la célébrité, c'est une célébrité parmi les... Moi, je ne fais que les suivre. Mmh. Ouais, mais bon, c'est vrai que nous, on aime bien l'art en général. Donc, on aime bien les musiciens, on aime bien les belles images aussi. Donc, les photographes, on voit dans les Mavrika Live, il y a beaucoup de photographes qui viennent, des gens qui sont spécialisés en plus dans les photos de concert, ce qui est quand même quelque chose de particulier par rapport à toutes les autres photos. Hein. Il y a des gens qui aiment bien aussi photos animalières et tout ça, mais il y a aussi des spécialistes pour les photos de concert. Je pense que c'est comme les gens qui font la radio. À partir du moment qu'on aime la musique et qu'on aime les musiciens, qu'on aime les concerts, on essaie de partager nos sensations, nos vibrations, et puis d'inciter les gens à faire vivre ces gens-là pour que tout ça dure encore très très longtemps. Ah bah oui, de toute façon le rock'n'roll n'est pas mort. Ou si. Non. Là, il est en train de. Il va tous nous enterrer. Je voulais être rassuré parce que vous m'avez fait presque peur. Là. Donc, non, il n'est pas mort. Là, il est en train de naître même. Ce n'est que le début. Mais il n'est jamais mort. Comment s'est initié ma petite fille qui a 2 ans et demi en lui achetant une guitare cet après-midi. D'accord. Ça veut dire que. Il va passer sur les scènes de Mavrika dans pas longtemps. C'est du hard encore. Du hard. Oui, c'est encore. Ça, c'est encore du très, très hard. Mais bon, petit à petit, elle va maîtriser l'instrument et puis elle viendra dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous proposer son projet. Donc, Je serai peut-être plus là, moi. Oh là, et tu vois, il s'enterre déjà. Ouais. Non. Voilà, donc je crois qu'on sait pratiquement tout sur Dérapades. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié de dire à propos du groupe? Écoute, non, bon, je pense qu'on a fait le tour. Mm-hmm. Je crois que le truc, c'est de venir nous voir jouer en concert. Ouais. C'est ça qui c'est le plus important. Cool. C'est ça qui nous fait vraiment le plus plaisir. C'est là où vous exprimez mieux. Bref, il faut venir nombreuses et nombreuses. Ce qu'on fait, c'est vraiment pour le proposer aux gens et jouer devant les gens. Quoi. C'est ça l'idée. Quoi. Mm-hmm. Surtout que généralement, c'est la plupart du temps, c'est des concerts gratuits. Bon, et ça nous fera plaisir de voir tout le monde. Et puis. On pourra parler de plein de gens, parce qu'on parle jamais d'habitude. Mais là, à l'occasion des concerts, on parle à tout le monde, on se livre un petit peu. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est souvent les concerts comme ça des artistes locaux, ou alors ils sont gratuits, comme tu dis des fois, ou alors ils sont à des petits prix, parce que des fois il y a aussi un fonctionnement. Je dis gratuit parce que. Oui, c'est vrai que. C'est dérisoire. C'est rien du tout. Et on voit des fois des grands artistes, bon, il faut quand même payer la place, c'est pas donné tout ça. Et des fois on prend autant de plaisir à aller voir des petits artistes. C'est ça. Voilà, moi des fois, c'est peut-être le fait que je m'attende, quand je vais voir des grands artistes, je m'attends à un grand truc. Et des fois, je suis un petit peu déçu parce que je me dis bon. Par contre, quand je vais voir des artistes que je connais pas forcément, des fois, j'ai une bonne claque parce que je me dis franchement, mais pourquoi ils sont pas plus connus? Pourquoi ils tournent pas plus? Pourquoi ça, c'est la grande question. Ouais. Il y en a qui sont à la hauteur de certains professionnels, hein, et pourtant, ils décollent pas ou voilà. C'est les connexions. Il y a la connexion. Si t'es pas connecté, c'est ça. Bon, à savoir que pour Dérapades, le jour des lives, il y a un carré VIP où les places sont à 340 euros. Donc là, généralement, il n'y a pas grand monde qui... c'est le carré où il n'y a personne. C'est le carré où il n'y a personne. C'est notre carré à nous. Carré où il y a plus de monde, c'est le carré où on donne des sous. C'est ça. Généralement... Ah oui, vous jetez des pièces pour que les... C'est pour ça que les gens, ils sont tous accroupis. Non, venez nous voir nombreux, nous ça nous fera plaisir, pour passer une bonne soirée, plutôt que de regarder la télé ou écouter des choses oui. Mille fois écouter. Il faut vivre les choses, parce que quand on regarde la télé, finalement, on est spectateur. Et voir un concert, on n'est pas que spectateur, on est aussi acteur, parce que on participe, hein, voilà. Ah non, faut participer les gens. Faut faire participer les gens et tout ça, donc. Surtout les filles. Hein. Ouais. Serge, je vais bien parler aux filles. Surtout les filles. Hein. Allez, qui c'est qui va monter sur la scène? Non, pas toi. Il y a une sélection. Non, pas toi. Toi, non. Ok. Bon. Et voilà, et avec toujours, en tout cas, plein d'humour. Donc, je pense que j'irai vous voir aussi en concert dès que ça sera possible. Parce on que espère, que, voilà. Bah oui, tout à fait. Ouais. Donc après, il y a énormément de concerts. Donc là, pendant un petit moment, pendant le Covid, eh ben, les concerts n'avaient pas tellement. Donc avant, on présentait aussi l'agenda de Mavrika à la radio. Et bon, dernièrement, on a un petit peu arrêté. Mais là, ça va repartir. Donc on va commencer à annoncer à nouveau les concerts. Et puis, pour ceux qui sont pas au courant, ils peuvent aller justement sur la page le nouvel agenda de Mavrika, sur lequel je partage toutes les affiches. Donc les musiciens, quand ils m'invitent à un truc comme ça, je partage déjà en priorité. Comme ça, si je peux pas y aller, au moins, il y aura des gens qui pourront y aller et puis voir les artistes. Voilà. Impec. On continue à écouter un petit peu de musique encore, parce qu'on a encore deux morceaux à écouter des rapades. Hein. C'est pas mal, ça. Donc, les maîtres du monde. Les maîtres du monde, alors ça parle de quoi? Ben, c'est pareil, c'est un morceau qui m'a inspiré un peu. C'est un peu sur la nature humaine, on va dire. Un petit peu sur la nature humaine, et puis de voir tous ces gens à la tête des pays, et certains se prennent pour. Des dieux. Pour des dieux. Oui, oui. Pour des maîtres du monde, donc ça inspire un peu ce morceau-là. Voilà. C'est un peu. Toi, tu t'es pas complètement remis de la mort de la reine? Non, je suis encore en deuil. D'ailleurs, j'ai mis du noir. Mais, comme tu as vu, l'album est noir. Parce qu'il est en kilt, en fait, on voit pas, mais il est en kilt. C'est un peu à cause de la reine, en fait. De la Queen Queen. Ouais. Non, voilà, ça nous a inspiré tout ça. Il y a une personne qui est sur le muette, donc elle nous parle avec les mains. Parle avec les mains. Alors on a un souffleur. Ah, il y a Dom qui disait, surtout à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour aller voir le clip du titre sordide qu'on a fait. Bah, je vais le partager d'ailleurs sur le groupe. Ouais, bah voilà. Comme ça, les gens qui. Et c'est vrai qu'on s'est tellement bien amusé à faire ce truc-là que bon, c'est sympa si les gens. N'hésitez pas à nous faire des retours, voilà. Des bons en tout. Bon, même des mauvais. Même les mauvais. Non, les mauvais, vous pouvez les faire, on les supprimera. Mais voilà. Même les gens qui nous aiment pas peuvent nous voir en concert. Voilà. Les gens qui nous aiment pas peuvent venir en concert. Ouais, il y a aussi, aucun souci, hein. Il y a pas de. Ouais. Nous, on les aime bien. On partagera, nous, on les aime. Ok, donc on va écouter Maître du monde, donc le titre, un des cinq titres de l'album Dérapade. Même en diagonale. Du moins.

dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 524 et nous recevons Dérapade. Donc, on a pratiquement, on sait tout maintenant sur le groupe Dérapade. Peut-être encore des choses à rajouter dans les dernières minutes, hein, des scoops, des choses qu'on ne saurait pas encore. Là, on vient d'écouter trois morceaux à la suite. On a écouté Dérapade avec Maître du Monde. C'est le quatrième morceau de cet album qu'ils nous ont apporté ce soir, qui est sorti il y a quelques semaines. Il y a donc le Maître du Monde. Il en reste encore un à découvrir avant la fin de l'émission. On se le garde pour la fin. Juste après, on a écouté les Chili Dogs avec Take It. Donc nos amis des Chili Dogs, un groupe qu'on apprécie depuis pas mal de temps. Ils sont venus une seule fois dans l'émission Mavrica, mais il serait temps qu'ils reviennent peut-être à nouveau. Hein. À l'instant, c'est le groupe bien dynamique des Corrosive System. Donc si vous aimez le rock qui je sais pas combien de BPM ils sont, mais ils sont assez élevés quand même. Donc Corrosive System, ce sera nos invités de la semaine prochaine. Et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Instinct Bestial. Voilà. Donc je vais rappeler aussi quels sont nos prochains invités. Donc la semaine prochaine, le 28 octobre, Corrosive System. Le 4 novembre, Youth. Le 11 novembre, Soum Kamil. Le 18 novembre, La Jari. Et le 25 novembre, Jesus Whiskey. Et si vous avez un groupe et vous avez envie de venir dans l'émission Mavrica pour présenter votre travail, n'hésitez pas à me contacter à travers le Facebook. Je pense que c'est la manière la plus simple. Hein. Si vous n'avez pas de Facebook, ça va être compliqué. Non, mais après, par connaissance, on arrive toujours à se débrouiller. Hein. Ou alors, après, vous pouvez nous envoyer aussi un message à mavrica@live.fr. On ne peut pas faire plus simple. Et vous nous envoyez un petit message. Hein. Régulièrement, je reçois des petits morceaux comme ça. Et ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, aujourd'hui, on a découvert une nouvelle artiste. Qui nous a été proposé par Gaspard. C'est la personne qui s'occupe de Jekyll Wood. Voilà. Et c'était Lia qu'on a écouté en début d'émission avec le morceau So Tired. Et je vous le repasserai la semaine prochaine. Voilà. On arrive à la fin de cette émission. On est avec les Dérapades. Et vous êtes à la radio. Donc si vous avez envie de faire passer un petit message, n'hésitez pas. Pas tous en même temps. Vas-y Paul, c'est toi. Vas-y Paul. Tu es le chef. Moi je suis chef de rien du tout. Non, j'ai rien à rajouter de spécial. Juste, venez nous voir en concert, on sera content de vous accueillir, de vous emmener dans notre univers. Et puis voilà. Bah, j'espère qu'on leur a donné envie d'aller vous voir sur scène avec les morceaux qu'on a découverts là. En plus. Franchement, du bon travail, hein, le studio Sonic 45. Ouais. Donc de nos amis Chili Dogs. Ouais. C'est un superbe son pour découvrir bien. Votre groupe, c'est impeccable. Quoi. Absolument. Non, bah, il faut venir nous voir absolument. Voilà. On a d'autres morceaux à vous faire découvrir. Donc, Ouais, parce que là, il n'y en a que 5 qu'on va découvrir extrait, ce en soir, fait. Et puis il y en a une vingtaine qui vous attendent en concert. Voilà, il faut venir. Très bien. Voilà. On va dire les phrases magiques. Alors les phrases magiques, c'est les mêmes depuis pas mal d'années. C'est la première, c'est que le rock and roll soit avec vous. La deuxième, everything is gonna be alright. Et la troisième, une vie sans musique serait une erreur. C'est pas faux. Il y en a d'autres des fois qui viennent se greffer, mais on garde celle-là parce qu'on aime bien. Voilà, on a eu aussi tout à l'heure notre amie Irène qui nous a appelé. Là, elle nous fait un petit coucou à la fin de l'émission, comme à la fin de chaque émission. Tout à l'heure, on a discuté un petit peu avec elle, et puis elle est toujours c'est l'auditrice la plus fidèle de l'émission Mavrica, savoir, et ce depuis des années. Hein. Alors, elle écoute pas les autres émissions forcément, mais Mavrica, c'est son émission, et donc ça nous fait toujours plaisir de savoir qu'elle nous écoute et nous envoie Irène. Un petit message. Irène. Et à la fin de chaque émission, nous faisons un petit coucou comme ça aussi. On t'embrasse. On va remercier aussi une autre personne qui est fidèle et qui en plus travaille là actuellement. Il enregistre l'émission pour la mettre en podcast. Donc il y aura l'enregistrement de cette émission. Si vous l'avez loupé, vous pouvez la réécouter. Si vous l'avez apprécié, vous pourrez la réécouter aussi. Et si vous l'enregistrez aujourd'hui, dans un an vous aurez oublié, vous pourrez la réécouter à nouveau. Donc vous pouvez le télécharger tout ça. C'est notre ami Florent. Et on lui fait un petit coucou à Florent parce que lui, c'est lui qui met tous les podcasts de l'émission Mavrica. Et pas que Mavrica, il y a toutes les émissions qui sont faites dans le studio de Radio Arc-en-Ciel ici à Fleury-les-Aubrais. Voilà. Donc un petit coucou à lui aussi. Et puis merci à tous les gens qui ont mis un petit message ou un petit j'aime simplement. Et il y a eu un petit paquet quand même. Donc merci à tous ceux-là. Et parmi les gens qui nous suivent, on peut se vanter d'avoir les meilleurs musiciens de la région orléanaise. Voilà. Eh ben, salut à tout le monde. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et puis, donc, de toute façon, on garde le contact. Dès que j'ai la possibilité, je vous vois en concert. Et dès qu'il y a du nouveau, vous revenez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous parler de l'évolution du groupe Dérapade. Avec grand plaisir. Voilà. Dom, il ne nous écoute pas, mais bon, on peut dire ce qu'on veut sur lui, parce que de toute façon. En tout cas, on le salue et on est bien content de le voir. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que j'ai allé conserver voir d'autres personnes et je tombe sur des photographes que j'apprécie bien aussi et on passe un bon moment ensemble et puis on discute et puis on parle de tous les concerts qu'on a pu voir, moi de mon côté, lui du sien, et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on apprend de plus en plus sur les groupes de la région orléanaise et d'ailleurs. Voilà. Donc il nous reste encore des morceaux à écouter. Il y en a un, c'est un groupe, je sais pas s'il va percer, c'est un petit groupe, il vient d'Australie déjà en France. C'est AC/DC, je crois que c'est un courant alternatif. C'est un cover. C'est un cover, voilà. Donc le groupe c'est AC/DC et là c'est un cover, donc c'est. C'est un groupe australien qui fait un cover de la CDC. D'accord. Et vous allez découvrir, vous allez voir, c'est sympa. Donc ça envoie du bois, ça ressemble bien à AC/DC à l'original. Oui, en plus roots un peu, tu vas voir. Plus roots, très bien. Et puis après on terminera avec le morceau, le dernier morceau de votre album qu'on a découvert ce soir, qui s'appelle Showbiz. C'est ça. Voilà, showbiz. Ça parle du showbiz. Ouais, ça parle du showbiz, entre guillemets. Il bah, faut écouter la musique et puis tout le monde se fera une idée. D'accord. Morceau, bah, ça parle de showbiz, ouais, effectivement. Ça parle okay. Un peu des gens, comme beaucoup de morceaux d'ailleurs. Ça parle un peu de gens, ouais. On va laisser découvrir. Hein, faut l'écouter le morceau, ouais, de toute façon. D'accord, bah très bien, on va l'écouter avec beaucoup de plaisir en tout cas. Et puis donc merci à vous et puis on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec un autre groupe ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un groupe très dynamique, hein, ça envoie du bois. C'est le groupe Corrosive System et on est content de les recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à partir de 19h, donc ça sera le 28 octobre. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine, donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne nuit d'abord, un bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve vendredi prochain. Salut okay. À tous. On vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Salut tout le monde. Allez, au revoir. C'est chaud, ça. Ah, c'est le truc avec les mots. Bells are playing on my guitar. We got vibrations coming up from the floor. We're just listening to the rock that's giving too much noise. Are you deaf? You wanna hear some more? We're just talking about the future. Forget about the past. It'll always be with us. It's never gonna die. It's never gonna die. Rock and roll ain't noise pollution. Rock and roll ain't gonna die. Rock and roll ain't noise pollution. Rock and roll, it will survive. I took a look inside your bedroom door. You look so good lying in your bed. You wanted any rhythm and love, but you wanna rock and roll instead. We're just talking about the future. Forget about the past. It'll always be with us. It's never gonna die. Never gonna die. Rock and roll ain't noise pollution. Rock and roll. fini. Si j'avance pas, je tombe. Un pas après l'autre, petit à petit, contrôler mes envies. Je fais pas partie de ta famille, j'ai cette chemise. Dans le pauvre monde où je vis, c'est souvent la crise. À Saint-Tropez, Champagne, à Saint-Barth, moi les galères m'écrasent. Sur ton île Lubanar où tu bois des dollars avec des putes des couches-tard. Je fais pas partie de ta famille, j'ai cette cocaïne. Pour 2 euros et un rail, tu te déshabilles. Pierre Limousine, t'es toujours prêt à vendre ta mère pour 2 000. La FM en couleur. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. 23 anos, o internacional português já bateu na frente para passar a aviação de Taremi, salta com Auschwitz, ganha Taremi, tira depois Grimaldo, mas a bola vai para uma zona onde está apenas o guarda-redes do Porto a respirar à vontade. Diogo Costa, libera a pressão de Gonçalo Ramos, foram internacionais.